Nous revoilà donc. J'ai encore changé, je me suis encore trompé. Hop. Donc, vous êtes. Pour le coup, Emilio, je vais commencer avec toi. Tiens, parce que vu que t'es tout seul de ton côté, je vais commencer avec toi. Tu es donc parti voir le frère Tonio. Si je me rappelle bien qu'il s'appelle Tonio. Je me rappelle plus trop, mais oui. Je crois que c'était Tonio. Oui, c'était ça. Donc dans la cathédrale, qui t'a donc dit que cette fameuse église de la Céleste était brûlée. Que comptes-tu faire du coup ? Est-ce que tu comptes t'y rendre directement ou De base, je voulais pas m'y rendre directement seul parce que c'est mauvais plan. je préfère aller rejoindre mes compagnons afin de les aider dans leur recherche parce que j'ai cru comprendre qu'ils voulaient aller au cimetière. Alors, j'espère pour pas profaner des tombes, mais avec eux, on sait jamais. et après, je me rappelle quand même, ils sont allés dans un endroit sans personne qui parle la langue. Donc, je me dis, je vais peut-être aller les retrouver. Ok. Bah, écoute. Et leur raconter tout ça, quoi, aussi. Aussi incroyable que cela puisse paraître, tu arrives quelques instants après Catherine, hein, c'est un timing plutôt incroyable, qui fait que quand tu arrives toi Catherine, tu te retournes juste avant de rentrer dans le cimetière et tu vois du coup Emilio qui arrive. Vous rentrez tous les deux à l'intérieur et vous finissez à un moment par au détour d'une allée. Par tomber sur Peter et Albert qui sont en train de regarder un peu partout les divers symboles qu'ils puissent avoir dans le cimetière, les noms, quelque chose qui pourrait leur faire penser, les mais épitaphes. Bon, voilà, ou les épitaphes aussi. Et vous finissez aussi par Peter et Albert par voir Emilio et Catherine qui s'avancent vers vous. Bon, vous avez du nouveau, vous ? Oui. Nous cherchons. Ah, moi aussi, j'ai du nouveau. Bah, commence. Vous savez, l'église en question, la Céleste, bien, ça va être compliqué d'aller la visiter. Parce qu'elle a brûlé il y a quelques siècles, elle a brûlé, malheureusement. Mais il y a encore les décombres qui sont potentiellement intéressants. Donc voilà. Est-ce que m'a dit le père Tonio, c'était que ces décombres étaient peu recommandables et qu'on invitait les personnes à ne pas y aller. Donc peut-être essayer de s'y rendre, si jamais le cœur nous en dit, à un moment de la soirée où personne ne passerait par là, peut-être. On peut envisager d'y aller ce soir. Oui, oui. Et vous, Catherine ? Eh bien, moi... Alors, que je me souviens bien que j'oublie pas des infos. Déjà, de souvenir, ils ont une crypte à eux. Donc ça normalement, je crois que c'est l'info qui est sûre. Un caveau, pardon. Enfin, du coup, ça fait que il n'y a pas à chercher les petits trucs, il faut chercher les bons gros caveaux à leur nom, parce que du coup, on est sur une famille de réputation. Seigneur. Je suis désolé, du coup, si j'oublie des infos, on va dire que non, mais du coup, il y a cette histoire d'usine qui est encore très floue dans ma tête, malgré le fait qu'il y ait eu le rappel. Je sais juste, c'est ça, ils font des prothèses ? Non, des poupées. Des poupées ou ils des font prothèses ? Des poupées et des prothèses. Et des prothèses, d'accord, c'était pour ça. Et on voit pourquoi il faut prendre des notes. Voilà, en gros. Bon, après, on va partir du principe que ce que je vous ai dit, elle vous l'a dit. Hein, okay. Quand vous avez écouté ce que j'ai dit, vous savez ce qu'on lui a dit. Voilà. Mais en plus, attends, il y a un endroit où j'ai pris des notes. Parce que je me souviens que les dernières infos, je les ai notées quelque part. Ça mérite une enquête, tout ça. Ça mérite une enquête. Ouais, alors, fais-moi un jet de trouver objet caché, s'il te plaît. Est-ce que tu vas retrouver tes notes dans ton PC? Regarde sous le clavier. Oui, bon, oui, c'est ça. C'est une familiale qui s'appelle Campo della Bambino. Et il faut chercher le caveau de la famille Grimanci. Ça, j'ai les notes. Mais je dois avoir d'autres notes autre part. Il faut que je le trouve. Enfin bref. Enfin, voilà, en tout cas, voilà, c'est vraiment une usine. Donc c'est, comme tu l'as dit, qui se situe au Campo della Bambino. Et que voilà, les gens sont enfin, pour eux, c'est la qualité de ces poupées est telle que on pourrait presque croire qu'elles sont vivantes, tellement elles sont parfaites. Et ils font des poupées, mais ils font aussi des automates, hein, des choses qui sont régies par des qui sont mécaniques, voilà. On a perdu, je ne sais pas qui. Alors, je crois que c'est Grenadine qui est partie. Oui. Donc, désolé pour les gens, vous allez avoir nos têtes un peu hachurées. Désolé, Swabalaf. Mais quoi qu'il en soit, eh bien, ils font aussi donc, du coup, des prothèses pour les gens qui manquent des morceaux. Voilà. alors, est-ce qu'on va attendre un chouille, peut-être lui laisser le temps de revenir. J'essaie depuis tout à l'heure, en même temps que je vous parle, de me rappeler quelle heure il était. C'était en début de journée, hein. on était justement allé dormir. C'était justement, on venait. Ouais, mais le temps que vous fassiez ça, du coup, il faut que je me dise combien de temps il s'est passé. Si vous faites ça en début de journée, là, il s'est passé du temps quand même, le temps d'avoir toutes ces infos là. On va dire que il doit être peut-être 13h. Je sais pas, le temps que tout le monde se rattrape. Enfin, midi, 13h. Bah, midi. Allez, on va dire midi. Vous pouvez même aller manger un morceau si vous voulez. Donc voilà. Donc, vous avez maintenant les informations que vous avez. Je vous laisse donc réfléchir à tout ça. Mais par acquis de conscience, on devrait trouver déjà ce caveau tant qu'on est là. Oui, c'est ça, tant qu'on est sur place. Oui, j'avoue que là, on était un peu perdu avec Albert, mais maintenant qu'on doit chercher un truc avec un chérubin de la famille Grimanci, ce sera beaucoup plus simple que dire simplement Marco au gardien. Je pense que il doit connaître parfaitement les lieux et qu'on va juste le questionner où se trouverait ce caveau. On va pas s'amuser à fouiller tout le cimetière comme ça. Si on lui montre simplement le document avec le chérubin, l'emblème, ça devrait lui parler. Le livre, je sais pas, ça me paraît bizarre si on lui montre. En fait, quand vous arrivez, vous lui montrez effectivement le truc, et puis en même temps, bon, Emilio est là maintenant, ça va un petit peu faciliter les choses, on va dire, hein. Et il vous envoie très rapidement dans le secteur où se trouve le caveau familial des Grimanci. Vous arrivez devant et vous voyez que c'est un caveau assez costaud, assez balèze. Effectivement, vous voyez les armoiries de la famille qui sont bien visibles, mais c'est plutôt, un peu à l'abandon, un peu commence un petit peu à se faire bouffer par la nature, hein, par le lierre, même si j'imagine que le gardien essaie de faire un minimum de boulot, hein, pour voilà, mais et hop, hop, hop. Et vous arrivez du coup devant le caveau. Alors, vous pouvez rentrer, il n'y a pas de souci. Le caveau est ouvert. Pas de grille, il n'y a pas de porte. Alors, il y a une porte, mais la porte n'est pas fermée. Il n'y a pas de cadenas qui vous empêche de rentrer dans le caveau familial. Bah, écoute, je me saisis quand même dans ma poche de mon ail et de ma torche. Et je vais rentrer en premier dans le caveau. D'accord. De l'ail. Eh bien, oui. Quand tu rentres, tu vois plusieurs emplacements avec une ribambelle de Grimanchi qui se pressent les uns à côté des autres, hein, si on peut dire ça. Hein. Donc, ils ont chacun leur petite case. Alors, il y en a qui sont un peu plus abîmés que d'autres. D'autres dont vous voyez les noms s'effritent petit à petit, où on les voit un peu moins bien, donc vous devez imaginer que c'est les anciens voilà. Et vous remarquez que la plus fraîche porte le nom de Marco Grimanchi. Ok. Je regarde s'il n'y a pas une statue dans les alentours, ça m'étonnerait, mais on regarde quand même. Évidemment. Non, vous ne voyez pas non, il n'y en a pas. Alors, qu'est-ce que disait déjà cette lettre ? Puisse Dieu me pardonner de venir à mon secours, j'en avais grand besoin. Pourtant, certaines nécessités dépassent toutes les autres. Il pleurait en appelant à l'aide. Sa statue était brisée et je n'avais pas de quoi la réparer. Cette maudite guerre nous avait tout pris. Bah, quelle statue alors ? De quoi parlait-il de ce message ? Vous pensez que c'était pour lui mettre une nouvelle jambe ? C'est bizarre là. Ouais, mais. Il n'y avait pas une statue à côté de son mausolée, quelque part, enfin au-dessus, en dessous. C'est des sculptures, oui, dans le mausolée. Bah sinon, c'est moi je vois que c'est que dans la tombe, hein, sinon. Je crois pas que ça sera ici, hein, parce que de ce qu'il dit, c'est son petit-fils qui est mort à côté de Marco, j'ai oublié le nom de famille, pardon. Et il a dit, et ses personnages sont tous, enfin, il a écrit, et ses personnages sont tous qui le réconfortent. Donc pour moi, c'est. On doit chercher quelque chose plus en lien avec le petit-fils qu'avec Marco. Il faut trouver cette famille. Il y a sûrement de la descendance quelque part en ville. L'usine est toujours en activité. Il y a encore des Grimanchi présents. Ah. Vivants. Ben voilà. Oui, mais oui, l'usine. Oui. Ah oui, oui, c'est ça que c'est. Bah, l'usine est. Toi, tu es venu avec des informations sur l'usine. Donc, non, l'usine c'est pas ça, des Grimanchi est toujours. C'est que je t'en rends de me dire que la famille de. Enfin, de l'auteur de la lettre venait de complètement ailleurs, mais en fait, non. Il y a écrit quoi sur la tombe de Marco ? Il y a quelque chose, une épitaphe, un truc comme ça ? Non. Tu vois, c'est vraiment super basique. Marco Grimanchi et. Non, en protégeant machin, tu vois, c'est pas mal, tu vois. Non, c'est. C'est juste sa date de mort et basta quoi. Sa date de mort correspond à la bataille du Monte Grappa. Alors tu vois que ouais c'est ça. Oui c'est ça. Bah écoute, on est tombé sur le bon Marco, mais le bon Marco n'a pas de statue, donc je sors du caveau en enlevant les petites parties de poussière sur mon cache-poussière, sur mon manteau. Mais c'est bien quand même de savoir qu'il est là et qu'on est sur la bonne piste. C'est bien de savoir qu'il est mort. Hein. Alors d'ailleurs, tu vois à côté de Marco Grimanchi, tu vois un autre nom. Hein, qui s'appelle Pablo Grimanchi, et au vu des dates, tu vois qu'il était beaucoup plus jeune, qu'il est mort assez jeune, mais à la même date. Ok. La même date, c'est intéressant. la même date que Marco, mais il est mort beaucoup plus jeune. Peut-être une vingtaine d'années. Quel âge il avait, Marco, c'est, enfin, tu peux... Il y avait une date de début ou juste la date de mort? Ouais, non, il est en gros. Enfin, moi, officiellement, j'ai pas de date. Là, je suis en train de meubler. Mais, mais en gros, oui, c'est. Hein? Ça, c'est genre. Ouais, voilà, il est mort à un âge. Pas mal, quoi. Enfin, genre. Il était âgé quand même. Bon, si je résume, on est d'accord que cette jambe, elle a servi à restaurer une statue ou donc peut-être un automate, et que si cette usine est toujours ouverte, on va peut-être la trouver là-bas. Quand il parle des personnages qui sont tout ce qui lui reste, bah, les personnages, c'est ça. Vous parlez des poupées ? C'est les poupées. Mmh. Ça m'étonnerait quand même, mais... On peut aller toujours demander à la famille Grimonchi s'ils ont entendu parler de quelqu'un qui avait apporté une jambe en pierre pour réparer une statue. Bien que peut-être la traduction statue peut être traduite de d'autres façons, je ne sais pas. Ouais. Mais je pense qu'on peut faire ce détour-là vers le magasin de poupées. Je tiens à dire que je ne suis pas très rassuré. Moi, j'aime pas trop les poupées. Ça ne m'effraie pas, mais j'aime pas trop ça, en vrai. Enfin... Ne vous inquiétez pas. Et ça m'effrayait à chaque fois. Je sais pas. Vous inquiétez pas, vous êtes en sécurité. Le contexte dans lequel on baigne, je comprends. Oh, voyons, Peter. Les poupées, qu'est-ce que ça va vous faire? Non, mais c'est juste un malaise. C'est pas. Non, mais attendez, Emilio, c'est bon. Je ne suis plus un enfant. Bah, rangez votre aïe si vous n'êtes plus un enfant. Oui, je range mon aïe. Donc, très curieux le coup de l'ail. Il se balade avec depuis Paris. Depuis Paris. Il va falloir en changer quand même. Ah, mais je change de temps en temps. Dès que j'en trouve une gousse. Du coup, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez tenter d'aller peut-être voir les Grimanchi dans leur usine? Oui. On ira ce soir au truc de la cathédrale brûlée. Oui, c'est ça. Ouais. Bon, on a le temps d'y aller avant d'aller. On mange un bout. Oui, oui, vous avez le temps. Vous pouvez aller manger un bout. Tout à fait, manger un bout et aller après à l'usine. D'ailleurs, il est fort probable que non loin de l'usine, il y ait un petit restaurant sympa. Mais je parle surtout par rapport à avoir le temps d'aller à l'usine avant d'aller à la cathédrale le soir là. Oh oui, tout à fait, hein. Vous pouvez, hein. Il n'y a pas de très problème. Bien. No problemo. Bah, du coup, bah, vous rendez expressément à l'endroit qu'on vous a donné, donc, qui est sur le Campo della Bambino, donc qui est dans l'arrondissement de Canareggio. De là, vous trouvez un petit restaurant sympa, vous y mangez, alors peut-être une petite heure, donc le temps de faire vos trucs, on va dire qu'à 14h, eh bien, vous sortez de là et vous vous rendez, du coup, sur place. Vous arrivez, du coup, devant cette manufacture de Grimanchi. Vous voyez que c'était un bâtiment en pierre, en gros comme ça. Vous arrivez quand même à comprendre que c'est un truc assez vieux, presque, enfin, du 14e siècle, si pour ceux qui connaissent un petit peu. Donc au niveau de l'architecture, c'est assez vieux. Vous voyez quand même que ça contraste pas mal avec les bâtiments adjacents. Hein, parce que la façade est plutôt bien entretenue comparée aux bâtiments voisins, hein, qui sont plutôt en mauvais état. Vous voyez à côté qu'il y a un magasin miteux de livres et de cartes pour touristes. De l'autre côté, vous pouvez voir des logements minuscules pour étudiants qui vont à l'université. Encore à côté, un café qui paye pas de mine, hein, franchement, est assez populaire. Et encore un peu plus loin, des bâtiments industriels dont émanent des odeurs assez, assez infectes. Hein. Ça sent pas très ouf dans le secteur. C'est pas le meilleur côté de Venise, quoi. Ouais. D'ailleurs, vous voyez qu'aux terrasses des cafés, vous avez pas mal d'étudiants hein, qui sont en train de prendre leur petit café, ristretto. Vous renotez que certains d'entre eux arborent un accoutrement assez marqué. Vous pouvez imaginer que ça pourrait tout à fait être des communistes dans la façon dont ils se marquent. Et ce qui dénote, ce qui est rigolo en fait quelque part, c'est que dans le même café, mais quelques tables plus loin, d'autres étudiants qui eux ont un tout autre accoutrement puisqu'ils arborent des chemises noires. Vous voyez qu'ils se regardent plutôt mal, enfin les uns, mais ils discutent pas trop les uns avec les autres. Ça ne peut que bien se passer. Attendez, laissez-moi vider. Les chemises noires sont à droite et les autres sont à gauche. C'est très bien. Tout le monde est de son côté. Voilà. Mélangé à tout ça, pas forcément dans les cafés, mais dans les alentours, vous voyez beaucoup de vétérans qui traînent et donc de nombreuses personnes portent des prothèses. Vous sentez d'ailleurs que la journée est plutôt froide. Hein, c'est plutôt frais aujourd'hui. On sent quand même que l'hiver arrive, l'hiver est là, et que il y a de la buée qui sort de vos bouches. après, donc, vous voyez que ces hommes, ils vous viennent pour voir si vous n'avez pas une cigarette. Ils vont voir les touristes et les étudiants. Du coup, là, il y a des vétérans, ils viennent nous... À un moment donné, tu as un vétéran donc avec une béquille et tu vois clairement que sa jambe a été arrachée, mais qu'il porte une espèce de une petite prothèse... qui est somme toute de très bonne facture, tu te dis comment il a pu avoir ce genre. Il a raison sur un point, et quand il avait discuté de ça là tout à l'heure en disant que peut-être il a utilisé la jambe pour affistoler une jambe en fait, et non pas une statue. Enfin, je pensais pas vraiment Ah, t'étais pas très loin, ouais. Et d'ailleurs, il vient te voir et il te demande c'est en italien. C'est la jambe droite ou la jambe gauche, d'ailleurs, le monsieur là. tu vois que en gros, c'est pas la jambe, c'est vraiment le en dessous du genou et le pied. Ok. C'est pas une jambe complète. Et tu vois que ça a été arraché. Et il vient te voir, du coup, Peter, et il te demande en italien, t'aurais pas une cigarette, s'il te plaît? Désolé, je sais pas parler italien pour dire un cigaretto. C'est au tabaco. Mais je sors mon truc et je fais aussi, j'ai un briquet. Ouais. Je galoupe pour lui et je vais quand même lui demander à Emilio de lui poser des questions classiques. Je voudrais lui demander tout simplement s'il connaît la famille Grimanci. Du coup, il regarde Emilio. Emilio, je traduis effectivement. Grimanci, si. C'est. Alors, je te le fais avec l'accent italien, mais il faut imaginer qu'il parle en italien, bien sûr. C'est une très bonne famille. Heureusement, ils sont là parce que ils nous donnent les prothèses. Là, comme celle-là, je ne pourrais pas avoir. Ce genre de choses si Grimanci ne faisait pas ça. Mais c'est une très bonne personne. Très bonne personne. Qui tient l'usine Grimanci Ah, c'est le père Antonio et son fils qui est Merda, j'ai oublié les noms. Sebastiano. Sebastiano et Antonio. C'est les... Tout le reste de la famille, Pé et Loram sont morts. Sa femme, sa fille et son autre fils pendant la guerre. Et son petit-fils, non? Non, son fils. Lui, Antonio, le père, il a perdu son père et son fils pendant la guerre. Marco, je crois, il s'appelait le père. Et le fils, Pablo. Pablo, aussi. Mais du coup, voilà, je laisse un peu tranquille. Je sais pas si vous avez d'autres questions à lui poser, mais là, on sait que bah, le type qui avait mis cette lettre, ce serait Antonio. Et je pense qu'il serait bien peut-être d'aller lui poser quelques questions. Oui. En tout cas, grazie mille per la sigaretta, merci. Sei una buona persona, sì. Che Dio ti benisca. Je lui dis Arrivederci, tu vois, vraiment avec l'accent le plus pourri au monde. Arrivederci. Toi, Voilà. tu es un homme americano, sì. Ça se voit Sì, comme ça. Ça se voit comme sì. Et il te fait comme ça avec ses mains, genre, c'est le Le western. cowboy. Bang, bang, bang, bang, Cowboy. hey, les Indiens. Je vais bien loin. Si, tu vois qui s'en va. Bah écoutez, je pense qu'on peut y aller franc jeu peut-être avec Antonio et lui demander tout simplement de restituer la jambe en lui disant que. Donne-nous la jambe. Non, mais pas aller jusque-là, mais bon, ça a l'air d'être un type normal. Et on va lui raconter ce que l'on sait à peu près de ça, quoi. Qu'il devait pas l'apprendre dans la réalité, et que nous, on est là pour s'en débarrasser Venise de ce fléau, quoi. Je suis Ça va amener d'accord, je des pense que... questions. Quoi? Mais oui, Ça va amener des questions, ça. il sait l'histoire autour de cette jambe. Donc il y a quelque chose, tu vois, il y a quelque chose, il sait qu'il y a quelque chose avec cette jambe. Je ne sais pas pourquoi il l'a pris spécialement, Il voulait peut-être la et on est là. cacher, mais c'est bizarre parce qu'il a laissé quand même des informations pour qu'on retrouve cette jambe. Oui, c'est ça. C'est Il y a un bizarre. regret dans ce qu'il a fait, et tu le sens, tu vois. Donc on va être Ouais. là, on va lui le faire oublier ce regret, et puis on va essayer de clore ça, clore cet incident avec la famille Grimanci, etc. Je suis totalement d'accord, je pense que c'est la meilleure façon Parce que la de dernière faire. fois qu'on a essayé d'être subtil, je vous rappelle, le type, il nous a aidé à creuser des trous, mais bon, c'est pas allé très loin, quoi. Il y a un moment, on tournait un peu en rond. Donc là, autant qu'on aille brut de décoffrage, peu importe s'il nous rejette ou pas, au moins on sera assuré. On a les informations, en plus, on sait que enfin, on a les informations. Bon, après, c'est une lettre qui date d'il y a peut-être une vingtaine d'années, donc c'est pas plus que ça. Mais bon, allez. Ok, je D'après les vois. Franchement... dates qui sont sur qu'on a pu voir sur la tombe de Marco, on peut savoir depuis combien de temps il est mort, Marco? Pas l'année précise, tu vois, mais ça fait 10 ans, 20 ans, 50 ans, tu vois, Ils c'est sont morts à vraiment la un même date bizarre. pendant la guerre, non? C'est C'est pas ça ça. l'info? Ouais. Donc c'est vraiment la toute fin de la guerre après Monte Grappa, quoi. Donc c'est 18, je crois. Ok, d'accord. Et là, on est en 23. Si pas de Donc c'est bêtises. Ouais. récent. Oui, voilà. Voilà. Faut se dire ça. Bah, du coup, ouais, on va s'approcher de là-bas. Et on va essayer déjà de demander une entrevue. Je demande peut-être à l'étudiant avant qu'il parte, est-ce que s'il sait. Est-ce que tu sais si la famille accepterait de nous recevoir si on leur demande? Ah, si. Toi, juste aller les voir et peut-être parler. De ce que tu veux, je ne sais pas, c'est d'accord. Des bonnes personnes, alors. Par contre, s'il te plaît, sois correct. C'est des bonnes personnes. Je n'avais pas l'intention d'être incorrect. Si, non, mais je te dis ça, c'est tout. Non, je comprends, je comprends. Bon, ben, en route, messieurs, dames. Mm-hmm. Donc, vous vous rendez, du coup, en direction de l'usine. Et une fois devant, vous frappez à la porte. Et vous voyez que une personne plus ou moins âgée qui vient vous ouvrir. Et lui, oui, que puis-je pour vous? Nous cherchons Antonio Grimanti. Pourquoi vous le cherchez? C'est pour une histoire très ancienne à propos d'un... Ben, il va comprendre, mais à propos d'une lettre qu'il aurait laissée à la cathédrale. Mm-hmm. Et de la restauration d'une... Et ben, il devrait comprendre s'il peut nous accueillir pour qu'on puisse lui poser nos questions. Tu vois qu'il te regarde, enfin il vous regarde, il comprend pas de quoi vous parlez en fait. Une lettre, cathédrale, je comprends pas. Bah, posez la question justement à Antonio et il comprendra lui. Ok. Rentrez à l'intérieur, rentrez. Tu vois qu'il te fait rentrer. Merci. Grazie mille. Si tu peux, un des deux, mettre les images que je transmets dans le général, comme ça. Alors là, j'ai mis la photo, enfin vous allez avoir être spoilé puisque forcément c'est écrit dessus. C'est pas notre faute ça. Ah bah oui, bah écoute, désolé. Voilà, c'était pas prévu, j'avais pas prévu ça au départ. Et donc la personne vous fait rentrer à l'intérieur et dit bon, avant de vous faire rencontrer Antonio, peut-être ce serait déjà une bonne chose de vous faire visiter l'usine. Peut-être vous serez intéressé pour acheter des poupées, non? Pas trop pour moi, je préfère attendre, mais je suis quand même très hésitant, tu vois, quand je vois ça, je dis en premier que je refuse, mais si tous les autres disent oui, moi je vais dire oh, bon, d'accord. ça peut être très intéressant à voir. Si oui, ça peut être intéressant, mais sachez qu'on n'est vraiment pas venu pour ça. Ah, c'est pas grave. Non, mais... Oh non, mais ils me disent n'importe quoi. Les poupées de la famille Grimanti sont connues mondialement. Nous vendons à travers le monde. Hein. Vous pouvez acheter des poupées Grimanti à Paris, partout dans le monde. Je connais le plaire de poupées. D'ailleurs, je suis enchanté de faire le tour. Catherine, tu connais les poupées Grimanti. D'ailleurs, ça te revient à l'esprit, mais il est vrai que dans les quartiers un peu riches de Paris, tu as déjà vu ce genre de poupée qui était en vente à des prix assez, assez élevés. Donc, c'est quelque chose qui te parle. Une poupée Grimanti, ça te dit quelque chose. Il vous fait donc rentrer avec plaisir de visiter. Vous arrivez donc à l'intérieur de l'usine. Vous commencez donc par entrer dans le secrétariat. Donc c'est un large secrétariat. Hein. Vous voyez qu'il y a deux bureaux, des chaises avec des espèces de commodes où vous pouvez ranger des documents, tout ça. Ensuite, il vous fait passer dans les ateliers. Hein, donc, vous avez deux ateliers qui sont collés l'un à l'autre, qui sont l'atelier de finition et l'atelier de façonnage. Donc, quand vous arrivez dans l'atelier, attendez, parce que dans l'atelier de finition, vous voyez deux rangées de machines à coudre et des tours à main. Il y a 6 employés assez âgés qui sont en plein travail, qui assemblent des parties de corps, qui insèrent des yeux en cousant les corps en tissu. Quand ils vous voient d'ailleurs, ils hochent la tête brièvement et vous voilà, ils sont assez polis, donc ils vous signent de la tête comme ça. Et puis ils retournent à ce qu'ils sont en train de faire. Vous voyez que sur les murs de cet atelier sont alignées des poupées qui sont terminées. Également des prothèses et des membres pour mannequins. Vous voyez également aussi des yeux de porcelaine d'un bleu glacial. D'ailleurs, ce qui toi, Peter, Ouais. te gêne un peu, tu vois. Ces yeux, t'as l'impression presque qu'ils te suivent du regard. Tu sais, quand tu marches, t'as l'impression qu'ils te regardent en permanence. Ensuite, vous passez du coup dans l'atelier de façonnage. Et donc là, vous voyez qu'il y a un four à l'intérieur où on cuit des membres les têtes des poupées. Hein, vous voyez des rouleaux aussi en tissu qui sont décolorés pour faire les corps. Il y a C'est du des poupées en bourrage. porcelaine, en fait, j'avais pas compris. Ok. Il y a un peu de tout en fait. Il y a autant des poupées en Des porcelaine, chiffons. des poupées en tissu, des poupées de chiffon. Il y a un peu de Des tous les destinées. styles. Là, du coup, dans cet atelier, vous avez 3 jeunes hommes qui travaillent ici. Et ailleurs, il y a un petit bureau hein, qui est dans un coin. Hein, il vous montre un peu de l'entrepôt rapidement, où là, vous voyez en gros un immense truc. C'est peut-être la pièce la plus grande de l'usine. Et vous y avez un mur, les murs sont bondés de poupées qui sont empilées. Alors il y en a qui sont nues, il y en a qui sont habillées, il y en a qui sont en tissu, d'autres en porcelaine. Il y a des poupées qui sont sans défaut. Genre, quand vous les regardez, elles sont parfaites en termes de visage. Vous aurez presque l'impression d'avoir un. Si ce n'était leur taille qui n'est pas à échelle humaine, vous auriez presque l'impression de voir une vraie personne, tellement c'est vachement bien fait. Vous voyez, à un moment donné, toi, Emilio, tu t'appuies sur une des poupées sans le faire exprès, et quand tu t'appuies dessus, la poupée te dit Ah mais elle est Moi, géniale cette poupée. je me colle à Catherine, hein, dès que ça fait ça. Elle est géniale cette poupée, je vais peut-être la prendre pour ma nièce. Ça va être super. Et un peu plus loin dans le fond, tu vois des coupures qui sont un peu plus abîmées et que le temps est passé par là. Elles n'ont pas été forcément vendues et donc elles sont un peu rongées par les mythes, par le temps qui passe. Et d'ailleurs, le fameux bleu glacial s'est voilé un peu de poussière. Vous allez me faire un jet tous là, comme ça. De Je pense que chance. je suis tout seul. Faites-moi un petit jet de chance, tiens. 23. Euh, raté. 62. Tu peux utiliser de la chance? Non, mais Non. c'est de la chance pour 20. la chance. C'est Ok, ton père, donc. mais en fait, ça fait que des surprises. Toi, Emilio, à un moment donné, tu commences à avancer, et puis à un moment, juste au moment où t'allais percuter en gros le pied d'un rack, en fait, enfin, je sais pas, mais d'un. Putain, j'ai plus le mot. D'une armoire, en gros, hein, là où t'es. Tu t'en aperçois et tu évites de le faire. Tu penses que si tu avais frappé là-dedans, il est fort probable que tout serait tombé. Donc, vu que tout était collé les uns aux autres, il est fort probable que tu avais fait peut-être tomber toutes les poupées de l'entrepôt. Mais heureusement pour toi, Roger, ça n'est pas arrivé. Bah, je suis le seul à avoir raté mon jet, c'est ça? Non, les autres sont plutôt alertes. Faut attention à ce qu'ils font. Moi, je suis les pas de Catherine, mais vraiment, tu vois, vraiment, je vais pas bien. Moi, quand on va dans l'endroit où il y a les vieilles poupées, un peu voilées, mais là, je suis en train de me décomposer un peu. Ouais, moi, j'en prends une et quand même, je la montre un peu de plus proche à Peter. Mais tu vois, je te dis, allez, va-t'en, Emilio. Je l'avais parlé. Comme ça. Emilio, arrêtez vos enfantillages. Franchement. Ok. Donc. Dis donc, une usine incroyable que vous avez là. Bon, du coup, vous revenez en arrière et quand vous revenez, en fait, dans le secrétariat, vous voyez un jeune homme, enfin un peu plus, qui lui, par contre, est un assez un grand, plutôt mince. Vous lui donneriez la trentaine. Hein, vous voyez qu'il est toujours, qu'il a une cigarette aux lèvres et qui s'appuie sur une canne. Je vais l'accompagner. Hein, et je demande est-ce que je peux fumer. Est-ce que faites-moi un jet de toc s'il vous plaît. Ok. 23. 56. 48. C'est bon pour moi, c'est bon pour tout le monde à peu près. Et toi, Catherine? 1. 1. Ok. Donc, vous remarquez tous, sans exception, que sa jambe gauche est une prothèse. Et une prothèse, en gros, qui est quand même beaucoup plus complexe, beaucoup plus évoluée lourde. Que... Non, pas lourde, mais beaucoup plus évoluée que, par exemple, la prothèse que vous aviez vue chez le gars dehors. Par contre, toi, Catherine, tu es sûre et certaine que ce n'est pas la jambe gauche que vous cherchez. Ah. Parce que c'est la jambe droite. Les autres vous posez la question. Il est probable que. Mais Catherine, elle sait que non, c'est pas la jambe gauche. Mais c'est une intuition ou c'est un truc? Ah non, genre... tu visuellement, tu voilà la façon de. Vous avez. T'as déjà vu comment c'était fichu. Voilà. Et puis ce qui t'a vraiment. Vraiment. Mis sur le truc que c'était pas ça, c'est que tu vois que l'articulation du genou bouge. Ce qui n'est pas le cas pour une statue. Hein, voilà. Tiens, salut à toi, Akinamna. C'est arrivé entre temps. Donc, ça, ce qui te confirme le fait que, ben non, ça peut pas être ça, puisque l'articulation a bougé. Mais les autres, vous n'avez pas forcément vu. Mais c'est fascinant cette prothèse nettement plus évoluée. Merci beaucoup. C'est le travail de mon père Antonio. Et là, il montre la personne avec qui vous étiez depuis le début. Qui c'est lui là? Ah. Mais non, mais ça, c'est le majordome. Vous êtes trompé. Je lui dis, vous êtes Antonio. Gamenti? Si, oui. C'est moi. Bon, on a des questions à vous poser. Vous êtes un cachotier, monsieur. Écoutez, je suis en train de aussi d'envoyer la photo de Sebastiano, puisque vous devinez très rapidement du coup que le jeune homme qui est à côté de vous et Sebastiano Grimanci, le fils de, évidemment, de Antonio Grimanci. Donc je vous laisse en mettre. En tout cas, ouais. En tout cas, très joli travail. Du King. C'est à la hauteur de votre réputation. Ah, c'est un travail de la famille. Hein. Moi, je n'ai fait qu'apprendre le métier de mon père, Antonio, qui l'a appris de son père, Marco. Eh bien, on est très heureux de vous rencontrer. Lui-même. On dit que vous faites de l'excellent travail. Ben, merci beaucoup. Ça me fait beaucoup de bien. Ça me fait plaisir. Vous êtes là pour acheter peut-être quelque chose ou... Pas du tout. C'est Sebastiano qui parle. Hein. Non. Vous voyez qu'Antonio, il parle pas vraiment en fait. Il est là, mais... Je sens que, bon... On recherche pas trop grand-chose à dire. Une jambe, mais ce n'est pas une prothèse. Vous cherchez une jambe ? Quoi, à heure, j'ai toujours le... Voilà, c'est revenu là ? On est revenu, tout va bien ? Ouais, on a un route d'Akin Lamna, donc je pense que oui. Voilà, je vous ai récupéré, c'est parfait. Non, alors, mais on peut sortir la lettre, je pense. Hein. Oui, il l'a montré. Et on va lui questionner là-dessus, hein, et on va pas se mettre agressif non plus, mais on va lui montrer que... Ah, bon, il faut pas. Tranquille. Non, mais je veux dire, on n'est pas là pour... Bah, je suis pas agressif, moi. Si ça leur permet de leur montrer qu'on est amical. Vous n'allez pas avoir une poupée jusqu'à la fin du voyage, quand même. Moi, je... Non. Si. Vous avez bien une gousse d'ail. Non, mais ça va, c'est portatif, tu vois. Tu l'as pas sur toi. Non, mais elle sera cachée dans la malle avec les autres morceaux. Je veux pas ça, moi. Ça, elle surveillera. Vous me donnez des frissons, vous deux. Si vous faites ça, vraiment, vous êtes pas sympa. Du coup, vous voyez que Antonio, forcément n'est pas, pas forcément, mais il dit pas grand chose en vrai. C'est plus Sebastiano qui prend le relais. Écoutez, dites-moi vos questions. Je vais essayer de répondre. Nous demandons où se trouve la jambe qui a été prise dans Santa Lucia. Là, Sebastiano, il te regarde. On regarde son père. Une jambe ? Santa Lucia ? On devrait peut-être parler en privé. Là, on ne va pas se cacher devant... Mais là, en fait, vous êtes... Il n'y a que vous et Antonio et Sebastiano. Oui, ce que je veux dire, c'est que si jamais Antonio préfère... Non, mais tu vois qu'Antonio, clairement, vous voyez... Alors, faites-moi un jet de psychologie, tu vois. Ah oui, le truc où on est super fort tous, c'est ça. Exactement. Ça va, j'ai pas fait un jet dégueulasse, j'ai fait 24. J'ai pas fait un jet dégueulasse, mais je crois que ma fiche est dégueulasse. J'ai pas fait un jet dégueulasse, j'ai fait 95. Ah, ça va. Moi, j'ai dit qu'il savait pas. Hein. Moi, je reste sur mon appréhension. Ah, t'as 60 en psycho, donc toi, y a pas de problème. Emilio, pour toi, Emilio. Tu dis que ce gars-là il est louche, toi. Tu vois, ce gars-là. Non, mais quand même, c'est quand même 95. Je vais pas te dire que tu t'es là en train de bener, mais tu t'es pas en train de dire genre il ment, mais tu dis tu vois, c'est quand même bizarre. En plus, le gars il cause pas. Bon, tu t'attends de voir, mais tu te méfies. 18 sur 40. Donc moi je préfère qu'on se mette, enfin moi je dis aux autres oui, mais enfin je sais plus qui voulait m'arrêter en disant qu'on parlait devant son fils. Moi, non, je te coupais pas, je disais juste que si jamais, tu vois, genre, enfin je le propose vraiment juste comme ça, si vous voulez on peut continuer en privé, mais pas en mode je t'interromps, en mode d'hybride, dis rien. Je pense qu'il a le droit de savoir ce que... Catherine et toi Albert, quand vous regardez, vous sondez un petit peu le vieil Antonio, pour vous, vous dites ok, il comprend pas du tout de quoi on parle. Genre il est pas en train de mentir, il est pas en train de vous raconter des conneries. Vous comprenez qu'il sait pas de quoi vous parlez. Là de toute façon on leur a sorti la lettre. il l'a sous les yeux. Ah, la lettre, je sais pas, vous m'avez pas parlé de la lettre. Donc je... si, on a vous l'avez dit on Ah, pardon, bah, autant pour moi. Ça a dû arriver au moment où j'ai eu mon perte de connexion. C'est une analyse avant qu'on sorte la lettre, donc là on voit qu'il comprend rien et on sort la lettre. Voilà. Ok, bon bah on fait comme ça. Attends, hop. Non, je peux pas te mettre celle-là, elle est un peu trop. C'est s'il se transforme, j'ai mon aïe dans ma poche, c'est bon. Non, mais je vais pas mettre celle-là, je vais mettre celle-là. Parce que sinon, ça fait, il va se passer des trucs horribles. Et là, il se transforme en bon, mais c'est pas ce qui vous bouffe. Non, c'est pas ça. Quand vous sortez la lettre, eh bien, il y a Sebastiano qui la prend. Il voit le sceau, il voit que cette lettre est plutôt vieille, en vrai. Et il dit, mais faites voir. Il commence à la lire et... Vous reconnaissez l'écriture ? Ah, c'est... en fait, c'est l'écriture de mon grand-père, Marco Grimanci. Attends. Il y a quelque chose c'est, qui est c'est, Marco dans la c'est... famille. C'est la sienne, effectivement. Maintenant, j'avoue que je comprends pas trop cette lettre. Et tu vois qu'Antonio, lui, pareil, non, enfin, après. Moi j'étais pas né déjà. J'étais né, je suis con. Attends. Non, ils étaient pas. Enfin, j'étais. On n'était pas présents à ce moment-là quand ça s'est passé. Enfin, il se peut d'ailleurs qu'ils soient pas nés à ce moment-là. Enfin, non, c'est pas, je te dis des conneries, je te dis si t'es né. Donc non, j'étais pas là et mon père non plus. Donc mon père à ce moment-là était travaillait dans une usine de munitions à Mestre pendant la guerre et moi j'étais à l'hôpital. J'étais blessé comme vous pouvez le voir. J'étais en train de me faire soigner. Oui, et de toute façon, en lisant bien la lettre, c'est bien ce qui m'étonne un peu, c'est que la lettre parle de mon cher Marco et de son petit-fils, donc j'imagine que c'est quelqu'un qui connaît la famille, quelqu'un de proche de votre grand-père, ou du père de votre père. Non ? Bah, en tout cas, non, la lettre a bien été écrite par mon grand-père... Pourquoi il y a d'autres Marco dans la famille ? Non. C'est un ami de la famille qui s'appellerait Marco. Après, est-ce que vous êtes sûr que le Marco et que vous citez est dans la lettre et Marco Grimanci est un Grimanci ? Non, justement, c'est les questions qu'on essaye de comprendre. J'avoue que j'avoue que moi aussi, je suis un peu troublé par cette lettre. Est-ce qu'il est écrit dedans D'autant plus que, si je peux me permettre, il parle bien de mon Marco, ce qui signifie qu'il y a une attache entre les deux personnes. C'est pour ça qu'on a pensé qu'il s'agissait de le Marco de votre famille. Mais si c'est votre grand-père qui l'a écrit, pour qui est ce mon Marco pour votre grand-père? Ça peut être votre grand-mère, sinon... Toujours est-il qu'il a restauré probablement une statue ou peut-être un automate avec cette jambe. Et ça vous dit rien ? Okay, je ne sais pas. Maintenant, je vous propose, si vous voulez, de voir peut-être dans nos archives de l'époque, peut-être que il a noté des choses à l'intérieur. Vu que nous n'étions pas là, je ne saurais pas vous dire quoi vraiment. Enfin. Alors, je tiens juste à souligner que vous êtes sûr que c'est l'écriture de votre grand-père. Oui, c'est bien l'écriture de mon grand-père, Marco Grimanci, et c'est sûr. Il n'y a pas de doute là-dessus, ok. Ouais, j'ai pas de doute là-dessus. Nous sommes à la recherche de ce membre perdu, d'une part historique, mais aussi important. Et nous sommes soucieux de savoir ce qu'il en était devenu. Vous n'avez aucune idée d'une jambe qui aurait pu être utilisée sur une statue de votre famille. Pas du tout. Ni même, là du coup on parle de votre frère, cette fameuse lettre parle justement des choses qui pourraient le réconforter. Ces personnages. Est-ce que ça vous parle ? Après, la seule chose que je peux vous dire, c'est que mon grand-père, lui, est mort de vieillesse. Non, il est mort de vieillesse. Il n'est pas mort à la guerre. Ah, il n'a pas fait Monte Grappa. Par contre, il est bien mort en même temps que votre frère. Assez proche, oui. C'était assez proche au niveau des dates, oui. Malheureusement. Bah, je propose qu'on aille voir, comme vous l'avez si gentiment proposé, les archives. Si on peut comprendre un peu ce qu'il en est, ça serait très sympathique. Bien sûr. Bah, écoutez, Votre grand-père avait des amis proches encore en vie ? Là, aujourd'hui, non. Vous ne trouverez personne. Votre grand-mère dire des choses là-dessus ? Elle est morte, ma grand-mère. Elle n'est pas dans le caveau ? Si, elle est enterrée. Enfin, si, mais je n'ai pas, j'ai pas dire tous les gens qui sont dedans. Alors, mes machins. Parce que là, je dis entre nous, clairement, la deuxième personne, si c'est l'écriture du mari, s'il dit « mon cher Marco », pour moi, c'est... Ça peut être la grand-mère, enfin, ça peut être la femme de Marco. Et... Ouais, non, c'est... Là, c'est que lui qui a écrit, en fait. C'est... Non, mais c'est vrai que c'est perturbant, ce Marco qui parle d'un autre Marco. Nous, on est perdus. Après, il n'y avait pas que des Marco. Et Marco, après, c'est un prénom commun en Italie. C'est un prénom commun. Ouais. Hein. Voilà. Bon. Ouais, mais ouais. Ouais, ok. Allons voir ses archives. Il parle bien du petit-fils de ce fameux Marco, donc c'est pour ça que je me dis que c'est un peu trop ressemblant. Bref, on va voir les archives. Alors, il y a un chien. Il vous fait du coup amener au niveau des registres. Donc vous allez fouiller dans les archives de la compagnie. Donc, qui correspond en gros aux années de guerre, hein, pour retrouver quelque chose qui pourrait vous donner une piste, hein, quelque part. Il vous laisse dans un... Il vous dit, bon, bah, écoutez, je vous laisse chercher. Je vous fais confiance, hein, j'espère que vous... Mais merci. Voilà, et puis si vous trouvez quelque chose, n'hésitez pas à venir me voir, ou si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à venir me voir, il n'y a pas de problème. Vous serez encore au secrétariat ou vous allez rentrer chez vous ? Oh non, je reste, je dois travailler, là, je vais retourner dans les ateliers. Donc je suis à côté, hein, vous inquiétez pas. Et puis au pire, il y a mon père, hein, si vous décidez enfin si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à aller voir mon père, hein, il n'y a pas de problème. Oui, il ne nous a pas trop répondu là pour le moment. Bah, il sait pas trop grand chose en vrai, hein. Antonio non plus. Hein. Là, c'est le MJ qui parle. Hein. Tu sens que il est autant perdu et puis il se fait un peu plus vieux, il est un peu fatigué. Voilà, c'est pour ça que vous voyez que son fils, c'est un peu lui qui gère la tôle, quoi. C'est un peu le patron aujourd'hui, quoi. Quoi qu'il en soit, vous êtes donc dans les registres, dans les archives de la compagnie. Je vais vous demander, pour le coup, de me faire un jet de bibliothèque ou de comptabilité au choix. Vous prenez la meilleure des deux. Même si je doute que vous ayez la meilleure des deux. On parle pas italien, ça augmente la difficulté. Non, mais il y a Emilio. Vous avez quelqu'un avec vous. Alors, j'ai fait 18 sur 5 ans, du coup, parce que je prends en bibliothèque. Peter a fait un très bon jet. 9. T'as fait 9, Al? 9 sur 70, ouais. Mais vous êtes tous bons, là. C'est pas possible, ça. Écoute, tu sais, à force de se rétamer dans les bibliothèques et d'enchaîner des bibliothèques sans comprendre ce qu'on fait, on se dit... N'oubliez surtout pas de coacher vos bibliothèques si vous ne l'avez pas déjà fait avant, si la première fois que vous réussissez un jet de bibliothèque, de coacher pour que ce soit gardé pour la fin du scénar. Je vous le répète là, mais... sur Foundry, normalement, ça le fait, mais pour les deux autres, non. Donc, ouais. N'oubliez pas. Donc, ce qui se passe, c'est que, vous regardez dans les registres. Alors, pour les registres récents, c'est assez facile à lire. Hein, et voilà. Hop. Alors, vous voyez que plusieurs fois dans vos recherches revient le nom de Palazzo. Rezzognani. Palazzo Rezzognani. Ah, attends, je vais essayer de vous l'écrire quelque part. Rezzo, R-E-2-Z-O N-I-A-N-I. Palazzo, c'est 2-Z-O. Pazio, c'est Palazzo. Palazzo Rezzognani. Je vois que tu as envie de l'écrire, Catherine, donc je te laisse écrire. Je ne comprends pas les palazzos. Ok. Alors, c'est Palazzo, je vais écrire. Rezzo Niani. Voilà. Vous tombez également sur des rapports par rapport à la bonté en fait de d'Antonio, puisque il y a des notes marquant le nombre en gros de prothèses qui ont été offertes, et vous voyez très vite que il y en a tellement qui sont offerts que, à force, au niveau des coûts, l'entreprise commence vraiment à être dans le rouge, quoi. Et que si elle continue comme ça, il y a fortes chances que ce soit la banqueroute qui se pointe, quoi. Vous voyez que du coup également que le grand-père Marco n'a pas tenu les comptes pendant les années de 1916 à 1918, et que toute cette période est reliée dans un seul livre, où d'ailleurs les entrées sont plutôt rares. Vous voyez que ces gens du coup sont identifiés par des pseudonymes ou des initiales. Hop. Du coup, ce que je vais faire, je vais vous donner le document 4 que je vais vous lire. Alors, parce que les autres, c'est vraiment horrible. Donc, je vais vous le lire parce que moi, je le vois beaucoup mieux. Vous tombez en gros sur ça. Un document. Le 17 septembre 1917. Quel malheur que les matériaux soient si rares et que ceux qui restent soient réquisitionnés pour l'effort de guerre. Mais ne peut-on pas laisser un peu d'argile et de cire pour les petites filles de Venise ? Donc là, vous savez que c'est le grand-père qui écrit tout ça. Marco. Marco. Alors, c'est le 23 novembre au 23 décembre. Aucune entrée. Un télégramme officiel jauni est coincé entre deux pages. Il annonce que le petit-fils de Marco Grimanci a été porté disparu en action sur les pentes du Monte Grappa le 22 novembre. Donc là, en fait, vous voyez que je me suis planté, que c'est en 1917. Parce que ça se passe, là. Toujours. Le 19 décembre 1917, un terrible blizzard est tombé sur Venise. Nous pouvons remercier cette tempête d'avoir stoppé l'avancée des Autrichiens et des Allemands, au moins jusqu'au printemps. Mes amis me disent qu'un éclair a frappé le campanile du Palazzo Reggianoni. Il faut que j'aille pour voir si mes vieux amis du clocher sont toujours en bonne santé. Le 20 décembre 1917, au 14 janvier 1918, il n'y a aucune entrée. Le 15 janvier 1918, ma jambe gauche est atteinte d'une grave crise d'arthrite. Je n'ai jamais souffert de ce genre de choses jusqu'ici. Je suis convaincu qu'elle va disparaître rapidement une fois que j'aurai prié mon protecteur Saint-Marc. Le 15 mars 1918, j'ai appris le signor Reggianoni était mort. Il était mort depuis plusieurs jours quand on a découvert son corps. Il vivait en reclus. Je prie pour avoir fait ce qu'il fallait. J'espère lui avoir apporté la paix. Le 9 avril 1918, et là vous voyez que l'entrée est rédigée dans une écriture différente. Le grand-père Marco est mort aujourd'hui, de vieillesse, de tristesse et de chagrin. Que Dieu ait son âme. Eh bien, ça s'éclaircit. Donc, son cher Marco, ce serait le Saint-Marc. Je pense que c'est pas Saint-Marc. Là, c'est plus pour vous, parce que comme vous avez pas forcément le document, vous voyez qu'il fait mention à un moment donné, le 15 mars 1918, de la mort de d'une personne qui s'appelle Reggianoni. Voilà. Et il n'y a pas son nom, enfin son prénom. C'est Signor Reggianoni. Reggianoni. Oui, c'est ça. C'est de la tour Palazzo. Il était mort depuis plusieurs jours quand on a découvert son corps. Il vivait en reclus. Je prie pour avoir fait ce qu'il fallait. J'espère lui avoir apporté la paix. Mais c'est simple. Il a restauré quelque chose pour lui. Apparemment, ben, ça n'y a pas porté grâce parce que ça a dû le tuer. Mais la jambe est là-bas. Pour moi, c'est clair. Tout pareil. C'est bizarre parce que quand il en parle, de toute façon, dans ses écrits. On avait plus qui lui a aussi apporté la mort en fait. Ouais, moi je pense qu'il voulait lui apporter du réconfort parce que si on superpose la lettre qu'on a trouvée, il voulait apporter du réconfort à son ami en restaurant une statue qui lui était chère. Il était malheureux et il espère avoir il espère l'avoir soulagé avant sa mort. Pour moi, je le comprends comme ça. Là, il est mort. Ouais, au moment où il est mort, il dit « Bon, j'espère que j'ai fait ce qu'il fallait, qu'il est parti en paix, quoi, en gros. Ouais. » Sauf que, la malédiction, on va dire, l'a gagné à lui aussi, puisqu'il est mort pas longtemps après, hein, je crois. Je suis d'accord avec Albert. C'est vrai qu'à la première lecture, j'avais la vision d'Emilio, mais ça me paraît plus probable qu'Albert ait raison. Oui. On va la trouver là-bas, la jambe. Enfin, j'espère, enfin. Moins qu'on tombe sur une lettre. On espère tous. La jambe n'est toujours pas là. Vous voyez que il y a le père Antonio qui est dans le secteur, qui vient un petit peu voir ce que vous faites. Alors, il parle pas forcément avec vous, mais il est là. Donc, si jamais vous avez des questions à lui poser, bah, vous pouvez tout à fait. Mais qui c'est ce... Ah, attends. Ah, d'accord. Pablo, c'est le grand-père ou... Ah, attends, ça me paraît plus logique que Marco soit le petit-fils. Et du coup, le petit-fils de machin, là, de Piazza Rassaloni, serait mort avec Marco à Monte Grappa. Peut-être. Oui. Oui. Ah oui, bah, t'as compris. Exactement. Là, ça me paraît plus logique, là. C'est... Bon. Ok, bah, allons voir du coup le lieu en question. C'était à la place Saint-Marc, le... Non, c'est pas place Saint-Marc. C'est facile, attends, on a la brochure dans l'Orient Express, il y avait un nom par rapport à tout ce genre d'endroit, ces hôtels et tout ça, et là c'est un palazzo, donc j'imagine Faites-moi s'il vous plaît un test de bibliothèque, s'il vous plaît. Oh, on peut trouver des archives d'un journal, peut-être sur un éclair. 30. Tu te souviens, Gossette, quand je disais que nous, moi, on avait appris à utiliser une bibliothèque, etc. Bon, j'ai fait 75, donc pas trop. C'est un truc. J'ai réussi aussi, mais j'avais déjà réussi le précédent, du coup, je peux pas... T'es raté. Je suis dégoûté. Du coup... donc là, il y a deux personnes qui ont réussi, qui sont Peter et toi, Albert, c'est ça? Ouais. Alors pendant que Emilio et Catherine discutent un peu des théories, alors qui est qui, en fait ça se trouve c'est effectivement Redoniani qui serait la personne dont qu'on cite dans la lettre, et du coup ça prendrait sens que ce Marco là, il y a le Marco grand-père et le Marco, du coup Marco serait Marco Redoniani. Et pendant ce temps-là, vous potassez un petit peu continuez à éplucher les archives, et vous tombez sur un truc que la famille Gremonci a réalisé à l'été 1857 pour le Palazzo Reggioniani. Donc le Palazzo, c'est donc le palace, donc en gros c'est la maison Reggioniani. Un large ensemble d'automates plus grands que nature. Ça va être impressionnant, ça. Voilà. Ça, c'est ce que vous trouvez tous les deux dans les archives. Bon, puisque Monsieur Gremonci est là, s'il vous plaît, Monsieur Gremonci, où se trouve le Palazzo Reggioniani? Eh bien, il est, quand vous êtes sur le grand canal, il est dans l'arrondissement de San Marco. Donc, en gros, il te situe un petit peu le truc. Là, il te... Vous arrivez... à savoir où se situe. On arrive à ce repérer. Monsieur Palazzo. Bon, là, en gros, on va partir du principe que vous avez quand même cherché pas mal de temps. Quelle heure est-il, alors ? Arrivé à 14h. Là, j'estime que avec tout ce que vous avez fait, on va s'approcher des 19h. 19h, 19h30, il commence déjà à se faire tard. Vous voyez que comme on est en hiver, eh bien le soleil, il fait déjà nuit, hein, le soleil est tombé. Le froid est d'autant plus mordant qu'il n'y a plus de soleil. Donc je vais vous demander de savoir, qu'est-ce que vous faites? Vous voyez d'ailleurs que la pluie a commencé à tomber. Est venu un peu frapper les carreaux des fenêtres de l'usine. Et est-ce qu'on s'en tient à ce que qu'on tient à ce qu'on avait décidé d'aller d'aller visiter? J'ai pas tout entendu. T'as coupé à la fin. Pardon. Je te demandais, est-ce qu'on s'en tient à ce qu'on avait décidé d'aller visiter ces ruines? Avec la pluie... Le froid, le vent... On peut passer à l'hôtel, trouver de quoi mieux se couvrir, manger un bout avant... Oui, oui, on peut faire ça. Et je rajouterais même, parce que je suis sympa, et... vous savez que de par la première nuit que vous avez passée, qu'il y a une personne quand même qui s'est fait tuer en pleine nuit, oui, de oui. façon plutôt pas terrible. Horrible. On l'avait oublié. Peut-être qu'il vaut mieux pas traîner la nuit déjà de base. Vous l'aviez oublié. C'est vrai que Peter, pendant un moment, était intéressé peut-être pour se renseigner sur ce qui s'était passé, mais les événements ont fait qu'il a laissé ça de côté. Oui, mais on peut pas s'intéresser à ce genre de choses-là. On doit continuer notre enquête et laisser les maniaques se faire arrêter par la police. Hein. On ne peut pas être là partout. Quoi. Si bon, après, c'est bien de les éviter, les maniaques aussi, parce que de toute évidence, c'est après nous. C'est vrai que c'était bizarre comment il était mort. Hein. Empalé sur un pic. Sur des pics hauts de 3 mètres. Mais attendez, on va aller voir. On veut aller voir là des automates qui sont plus grands que nature. On va pas y aller de nuit là non plus, non, parce que. On va essayer... Non. Non, mais je veux dire, des automates plus grands que nature, s'ils sont plus grands que les hommes, ils pourraient potentiellement empaler plus facilement sur ces pics de haut de 3 mètres dessus. Quoi. Enfin... Oula. Je suis pas sûr parce qu'il était mention de créatures diaboliques, je crois même ailées à un moment donné, surtout sur les premières infos qu'on a eues venant de la ville d'où on vient déjà de Milan. Bah, tu sais, ces journalistes... C'est tout pareil. Non, mais il y a un côté poète chez le journaliste. On raconte toujours plein de choses et démêler du faux du vrai dans les récits des vieilles dames qui auraient sans doute vu quelque chose, mais parce qu'on leur parle, parce qu'on s'intéresse enfin à elles, alors que normalement tout le monde s'en fout d'elles. Enfin, ça peut faire raconter des choses qui ne sont pas forcément arrivées. Mais là, dans les faits, on a. Avant de vous rencontrer, j'étais plutôt de cet avis, mais depuis que je traîne avec vous, j'ai plutôt tendance à prendre au sérieux ce genre de témoignage. Peut-être que dans les automates, il y a des créatures ailées, on ne sait pas. Peut-être que dans ces automates-là. Donc, on ne va peut-être pas y aller de nuit. Oui, non, mais là-bas, ça c'est sûr, au palace, on ne va pas y aller comme ça. Et traîner sur un endroit. Dans l'église céleste comme ça de nuit, autant au pire on fera un petit pot de vin au pire aux gars qui nous surprendront de jour dans cette église et puis voilà, et après c'est pas l'argent qui nous manque, autant ne pas se mettre en danger inutilement. Ouais, je suis d'accord, allons dormir. On va manger, on peut, je suis sûr qu'il y a des très bonnes activités dans notre hôtel pour la nuit. On va faire un petit bridge. C'est très sympathique, vous allez voir. Tes paroles sont pleines de bon sens. Je suis juste un peu pressé de délucider ce mystère. Ah, mais moi aussi. Du coup, revenir à ma vie d'avant. Du coup, vous décidez de retourner à l'hôtel. Et... quand vous rentrez, du coup, là-bas, vous arrivez, il est à peu près 20h. Et remettre celle-là. C'est très bien. Quand vous retournez à l'hôtel, toi, Emilio, tu entends un petit peu les gens, ça commence un peu à discuter. Tu vois que les gens sont plutôt tendus ce soir. Et au détour de conversations, tu entends un des employés de l'hôtel qui discute avec un autre. Comme quoi les statues de San Marco ont pleuré des larmes de sang durant l'office du soir. Pour eux, c'est un présage assez miraculeux dont que toute l'assemblée a été témoin. Mais pourtant, tout le monde a cherché à beau chercher, mais enfin, ils ne comprennent pas comment c'est arrivé. Enfin, les gens sont entre ceux qui disent que c'est un acte diabolique, d'autres qui disent que c'est divin. Enfin, ils savent pas trop comment prendre les choses. Et puis voilà, les statues de San Marco qui pleurent du sang. Enfin, c'est juste incroyable, quoi. Enfin. Je le restitue quand même à mes compagnons. Aujourd'hui à l'office de la cathédrale, et à la fin de l'office, les statues ont commencé à pleurer des larmes de sang. Se dépêcher de retrouver la jambe et partir de cette ville qui semble être aussi sous l'influence d'un mal néfaste comme un Milan. Ouais, je pense que j'ai l'impression que l'Italie a l'air d'avoir pas mal de problèmes. L'Italie est très bien. L'Italie est très bien. Ce n'est pas le pays, ouais, mais entre Milan et Venise. Vous savez. J'ai pas envie d'aller voir en tout cas la statue avec les larmes de sang. Ça m'inspire absolument pas confiance. Déjà, les automates, c'est des poupées géantes de 2 mètres. Non, merci, mais. Au pire, vous resterez dans la voiture et vous ferez chauffer le moteur, c'est pas grave. Dans la gondole, je resterai dans la gondole. Oui, dans la gondole. En tout cas, finalement, des gens viennent s'occuper de vous. Hein, vous allez pouvoir vous restaurer. Vous. Il n'y a pas à dire, le café. Ah bah oui. Voilà. Je reprends quand même le journal de ce matin, où on avait lu justement qu'il y avait eu quelqu'un qui était mort. J'essaie de trouver s'il n'y a pas son nom, en fait, dans le journal. Pour l'instant, tu n'as pas de nom. D'accord. Tu sens que tu as l'impression que la police... Bah, déjà, et puis t'as vraiment l'impression que la police essaie d'étouffer un peu l'affaire et que on n'en parle pas trop. Quoi. Technique spéciale, je vais dans la rubrique nécrologique. Bien, pour l'instant, il y a plein de noms, donc après tu sais pas forcément. Normalement, il y a écrit quand s'ils sont morts par accident. Ouais, mais ils vont pas marquer mort, tué, empalé par un pic. Voilà, c'est mort tel jour, et des morts d'hier, il y en a plein, quoi. Enfin, il y en a plein. J'ai envie de penser au présent. Allons voir ces fameux automates. Du coup, vous allez vous coucher assez fatigué. Je pensais qu'on était le lendemain matin. Hein. Oui. Non, là, on est toujours le soir. Et vous allez vous coucher tranquillement dans vos pièces. La nuit se passe gentiment. Et je vais demander à Emilio, Peter et Catherine de bien vouloir enlever les casques, s'il vous plaît. Bonne visite. Ah non ! Oh. Ne partez pas, j'ai peur. Ok. Albert... pose beaucoup de questions en allant te coucher. Tu te dis que t'as rejoint ces gens Il y a quelques jours, enfin, ça fait plus de temps que t'es avec eux et tu te rends compte que leur vie est assez folle en fait. Ce qu'ils sont en train de vivre, c'est complètement dingue. Et quelque part, tu te rends compte du problème qu'ils sont en train de vivre et ça te rattrape parce que tu vois du sang et des meurtres partout, hein, au fur et à mesure que vous avancez. Des choses incompréhensibles également. Et c'est comme ça que tu t'endors. La nuit se passe, au début, tu dors plutôt bien. Jusqu'à un moment où tu commences à te réveiller. Enfin, t'as l'impression d'être réveillé et en même temps d'être endormi. Si tu sais pas trop, t'es entre deux. Mais le froid vient s'emparer de toi et tu te sens. Enfin, frigorifié. Et à la fois, tu as une espèce d'odeur de terre humide et qui vient qui t'arrive aux narines. Jusqu'au moment où une voix dans ta tête, pas en fait, te parle en français, tu crois? Mais tu parles pas français, je crois. Pourtant, tu comprends parfaitement ce qu'il est en train de te dire. Et cette voix te dit, Albert, qu'avez-vous fait aujourd'hui? Est-ce que Qui me parle. tu résistes ou tu dis les choses telles que vous. Je lui réponds. Qui me parle? Un ami. Disons que vous ne me connaissez pas. C'est la première fois qu'on se rencontre et je voudrais bien savoir ce que vous avez fait aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Comment ça se fait que je peux comprendre ce que vous me dites? Cela n'est pas la question. Répondez juste à ma question. C'est important que j'y réponde. En fait, j'avoue que j'ai un J'aimerais. peu peur de répondre à des questions comme ça. Est-ce que c'est un rêve? Répondez juste. Alors après, si tu veux répondre, enfin, si tu n'as pas envie de répondre, essaye de me faire un test de pouvoir. Si tu essaies de Je fais résister, un si tu essaies test de de. pouvoir. Parce que Ouais. j'essaye, parce que ça me fait un peu peur de répondre. Et je fais 81. Ça doit être affreux. Tu sens que petit à petit, cette voix s'immisce dans ta tête à tel point que tu n'arrives pas à résister à sa demande. Tu lui réponds donc ce que vous avez fait Ben, très aujourd'hui. bien. Eh bien, je cherche quelque chose. Vous cherchez quoi? Une jambe. Une Et je pense jambe. qu'à ça en ce moment. C'est intéressant. Eh bien, j'espère que vous trouverez cette jambe. Soyez-en sûr. En tout Est-ce que cas, je peux avoir une réponse, moi aussi? pas pour le moment. Vous en aurez le temps quand le temps sera venu. Mais faites attention à vous. Je vous souhaite une bonne fin de nuit. Et c'est tout. Et tu vois Je que reste muet sur la femme. la voix, en fait, enfin, tu sens que cette voix s'en va. Cette odeur terre mouillée disparaît de tes narines. Ton corps se réchauffe petit à petit. Et tu te sens partir dans le sommeil. Et nous allons du coup rappeler les autres qui peuvent revenir. Ok. Ah, mais pas le chien. Le chien peut rester. Alors. Voilà. Ah, j'ai passé une bonne nuit. Le matin se pointe. Vous vous réveillez tous. Vous avez plus ou moins bien dormi dans l'ensemble quand même. Hein. Ça a été une nuit intéressante. Vous avez essayé de compiler en termes de rêves un peu tout ce qui s'est passé. Donc ça vous avait fait un peu des rêves complètement tordus, mais pas forcément des cauchemars, hein, bien entendu. La nuit porte conseil, quoi. Et vous vous levez tous les uns les autres et vous arrivez dans le couloir et vous voyez que bizarrement Albert est plutôt tourmenté, un peu pâle et se tient le visage un peu pensif. Ah mais il faut que je partage ça avec vous. Non, c'est très perturbant ce qui m'est arrivé cette nuit et il faut que je partage ça avec vous. Quelqu'un est venu me parler. C'était vraiment une expérience vraiment, vraiment troublante. Une menace, quelqu'un qui demandait à ce qui se passait. Ouais, exactement. Enfin, c'était pas menaçant, mais c'était pas rassurant et on m'a demandé ce que j'avais fait. Et j'ai pas pu résister, je voulais garder ça, j'avais peur de dévoiler quelque chose et que ce soit dangereux, mais les mots sont sortis tout seuls et qu'est-ce que tu j'ai as plus ou moins dit ce qu'on faisait. Je lui ai dit ce qu'on cherchait. Il me semble que c'est la première fois que quelqu'un craque. Oui. Ce n'est pas grave, nous n'allons pas vous en tenir compte. D'ailleurs, Albert, tu te rends compte, Albert, que au vu de ce qui se dit, que bah, tout le monde y a eu droit, en fait. Oui, mais... Il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'on en a parlé rapidement à Albert, sans détailler. Ouais. Mais il me semble que vous ne m'aviez pas donné ces détails, c'est vrai. Eh bien, écoute, nous sommes suivis par une présence depuis Paris, qui semblerait pour moi être le comte Finalice, donc Finalic. On va pas te mentir qu'on ne sait pas qui c'est, mais... Il a le même but que nous, c'est de retrouver les cibles de Seneca, ou tout du moins de nous mettre des obstacles. Et on l'a rencontré à Lausanne aussi, je pense, en se faisant passer pour le comte de la Lausanne onirique. Mais encore une fois, je ne fais que supputer. En vrai, nous ne savons pas qui c'est, ni qui est ce comte de la Lausanne onirique. Mais il semblerait qu'il y a quelqu'un qui nous pourchasse. Et ça arrive souvent un jour après que nous sommes arrivés dans une ville. Donc peut-être il suit le même itinéraire que nous, ou qu'il a lui-même des pouvoirs bizarres, capable de venir dans nos rêves. Donc, Alors il sait où on se trouve. Je pense pas qu'il peut le savoir s'il nous pose pas la question, mais je pense qu'il est capable de venir dans les rêves de chacun. C'est du moins ce qui s'est passé à chaque fois que nous sommes allés dormir. Il est venu dans notre rêve, il nous a poussé dans notre dernier retranchement. Et il a ce pouvoir-là de nous dire des choses que nous serons indicibles, enfin impossibles à dire. Quoi. Voilà. Donc, de là à dire que cette entité ne nous veut pas du bien. Ah, ça peut. Je peux t'assurer qu'elle ne nous veut pas du bien. Depuis ce qu'on a fait, peut-être dans la. Enfin. Je suppute que c'est lui, et encore une fois, depuis ce qu'on a fait dans la Lausanne onirique, je pense pas que nous sommes alliés. C'est bien ce que j'ai ressenti. Surtout que tu as bien vu qu'il n'est pas du tout l'air d'être un être naturel, quelqu'un qui est humain. Ben, surtout que je me suis senti forcé de dévoiler ce que je ne voulais pas. Ceci me conforte dans cette idée que j'ai depuis le début, que une fois que nous aurons rassemblé tout ça, quelqu'un va peut-être nous attendre. Peut-être que ce qu'on fait, c'est de la folie. peut-être qu'on devrait laisser cacher ça. D'autant plus que Monsieur Smith, votre cher oncle, si mes souvenirs sont bons, nous a bien prévenu des dangers et que... plus ou moins, c'est une course contre la montre, quoi. C'est juste savoir qui seront les premiers à tout réunir et est-ce que ça sera la fin du monde ou pas par rapport à ça, quoi. C'est... On court un peu à notre propre perte, mais on le fait de façon à pouvoir éviter le pire, si j'ai bien compris. Ouais. Je vais prendre un très gros café. D'ailleurs, bien quand vous êtes en train de boire votre café. Toi, Emilio, comme tu as ton habitude, tu prends le journal pour un peu lire ce qui s'est passé. Peut-être encore regarder la rubrique nécrologique, on ne sait jamais si tu venais avoir un nom. Sauf que, en première page de ton journal, tu remarques qu'un deuxième meurtre abominable a été commis cette nuit. Cette fois-ci, on a trouvé le corps de Paolo Rizzo, un gondolier, qui a été retrouvé déchiqueté dans son bateau. L'article mentionne même que la victime a été vidée de son sang. Et donc, du coup, cette fois-ci, la police n'a pas réussi à cacher ces détails. Voilà, ça parle de maniaque, de sataniste, de ghoul. Tout le monde y met de son truc. C'est vrai que ça commence à être. Ça commence. Il est mort comment ? Déchiqueté. Déchiqueté. Déchiqueté, il est littéralement déchiqueté. Hein. Il restait pas grand chose. J'en parle à mes compagnons, hein, parce que il faut qu'ils sachent. Les automates ont encore frappé, on dirait. Les automates, vous en êtes sûr? Pas plutôt des encore des petits malins et des blousons noirs qui feraient des choses comme ça. Blousons noirs. En tout cas, ça donne pas plus envie de sortir faire nos petites expéditions de nuit. Ouais, je suis d'accord. La prudence est de mise. Mais normalement, vu ce qui se passe, il tue toujours quand la victime est seule. Le mode opératoire reste le même. Excusez-moi, messieurs, enfin madame, qu'un serveur s'approche de vous. J'ai vu que vous vous intéressez à cette affaire. Sachez que la nuit dernière, il y a des fêtards. De ce que j'ai compris, qui ont aperçu la mort en gondole sur le Grand Canal. Mon beau-frère me jure que c'est vrai. C'est ma foi très intéressant. Au secours. La mort. La faucheuse. Vous savez où est-ce qu'on pourrait trouver ce groupe de pétards ? J'allais dire Charon. Écoutez, je ne sais pas. Ça, je tiens ça de mon beau-frère. Mais... essayez peut-être d'aller voir la police ou les journaux, peut-être. C'est un peu la panique en ville en ce moment. J'avoue que les gens commencent à avoir très peur. On fait passer une rumeur comme quoi il faut avoir une poupée chez soi et ça le protège du malheur. Et là, le mec, il devient riche. Eh ben, écoutez, grazie mille des avertissements lugubres. Ah, de rien, faites attention à vous, hein. Évitez de sortir de nuit, hein. Ce serait pas très conseillé, surtout que les gens commencent à avoir peur. Je pense que la situation va un petit peu dégénérer, si vous voyez ce que je veux dire. Oh, nous voyons très bien. Aïe, aïe. Vous savez, pour Tadatak... Les personnes qui s'occupent de cette affaire, ou c'est juste la police? Pardon? Vous savez qui s'occupe de cette affaire, ou c'est la police en général? Oh bah c'est la police, là, bien sûr. Après, je sais pas si ils vous diront des choses, mais ou à moins que vous ayez des contacts, mais... Oui, on connaît un certain Alberto Rossini. Oh, c'est pas la police, là. Oui, mais ça peut être utile. Écoutez, soit, si vous pouvez... En tout cas, vous avez de bonnes fréquentations, monsieur. Ah, merci. C'est pas le mot que j'aurais utilisé. Eh ben, écoute, écoutez, bon, je pense que là, on est un peu dans la mouise jusque-là. Je sens les trucs qui vont pas dans cette ville. L'entité, je ne sais pas qui est... Allons qui donc au commissariat. C'est le mieux à faire. Allons au commissariat. Voyez... Présentons-nous. Ouais, pardon. Ouais. Non, mais vas-y. En fait, ça tombe bien parce que en fait, pendant que tu es en train de dire ça, vous voyez débarquer dans le fond de la salle Non, pas du tout. Dans la salle où vous êtes en train de prendre votre petit-déj, Giorgio. Ah. Giorgio, oui, qui... Vous voyez qu'il est habillé de noir vêtu. Qu'il est noir et qu'il est très solennel. Vous l'avez pas vu habillé souvent comme ça. Et il vient vous voir et puis mais vous ne venez pas du coup ? Si, c'est vrai que j'ai... C'est aujourd'hui, c'est l'enterrement. Aïe, c'est vrai que j'avais tout... On s'habille, ouais. Ce qui se passe. Ah le... oui. Là, vous avez entendu parler de cette fâcheuse meurtre horrible. Ah ouais, non, mais je ne sais pas qui fait ce genre de choses, mais c'est... Voilà, de par mes convictions, je ne peux pas croire en certaines choses comme cela, mais je ne sais pas quoi dire. J'avoue que même moi, je suis assez blé. Quoi tu es comme ça, un grand joli. Je vais venir avec vous. Je ne sais pas si tout le monde est invité de toute façon. Là, si, tout le monde, vous êtes tous invités, évidemment. J'ai pas de truc hors de mon costume comme ça. J'ai pas genre des costumes. Moi, ce n'est pas grave. Votre seule présence lui fera énormément plaisir de vous voir tous et toutes ici et témoigner votre respect et vos condoléances sera largement suffisant. Bon, ben, j'y vais. Bah, je m'habille en conséquence. Forcément, j'ai pas la tenue de deuil adéquate sur moi, mais je mets ma cravate, ma veste. Enfin, je m'habille. J'essaie de mettre une veste sombre. Enfin, j'essaie de mettre un peu les formes, tant bien que mal, même si j'ai pas tout l'attirail en question. Enfin, pour paraître très sobre, même si je n'ai pas le costume de deuil qu'il faut. Moi, pour ma part, j'ai pas 50 000 costumes. D'accord. Mais bon, je serais même plutôt d'avis qu'on devrait pouvoir trouver le moyen de refuser poliment, bien que ce soit assez délicat, je comprends. Parce que si vraiment on court contre la montre, on a déjà quand même beaucoup de choses à faire. Moi, je vais quand même y aller. Hein. Albert, je te comprends. On est tous égaux face à la mort et... Si on ne montre pas un peu de respect à cette dernière, elle risque de nous faucher bien avant que notre heure soit arrivée. Tu vois que Giorgio acquiesce. De toute façon, je ne suis pas insensible. Et si vous décidez d'y aller, je vais vous suivre, bien sûr. Les cloches qui sonnent, le glas. Et puis de toute façon, peut-être que l'enterrement pour la victime du premier soir se fera dans le même moment, au même moment, qui sait. Je vous conseille par contre de prendre avec vous peut-être un mouchoir, Car pour une raison que nous ne comprenons pas aujourd'hui, la marée haute est plus prononcée que d'habitude et il y a une odeur assez pestilentielle sur la ville de Venise aujourd'hui. Certains même évoquent la peste. Je ne sais pas pourquoi, mais... Si vous l'avez, normalement, vous ne devriez pas l'attraper. Et moi, je prends mon mouchoir, tu sais. Pardon ? Je vais le parfumer, en fait. Je parfume mon mouchoir qui est dans ma poche de veste et je le remets pour pouvoir justement couvrir cette odeur si jamais on en est victime. Ça fait penser j'ai demandé à Emilio de parfumer le mien de mouchoir. D'accord. Je parfume aussi, même... Comme vous voulez, Catherine, mais je vous préviens, ce n'est pas un parfum féminin. C'est pas grave. C'est juste pour masquer l'odeur, je suis bien au courant, oui. Emilio. Je sais que vous êtes attentif aux détails. Du coup, vous vous préparez, vous finissez par sortir. Effectivement, quand vous sortez, vous voyez tout le monde qui porte... un mouchoir au visage. Alors pour ceux qui n'en ont pas mis, vous êtes pris mais vraiment d'une puanteur mais immonde, comme de l'eau qui pue mais genre de ouf quoi, genre ça sent mais la mort quoi. Presque, vous avez presque des haut-le-cœur tellement c'est puissant. Vous entendez des gens qui disent que je suis sûr que c'est la peste noire. Vous avez entendu ces enfants qui sont tombés malades après avoir joué dans l'eau? Ils ont des plaques noires sur les jambes. Et du coup, les gens sont. Vous sentez quand même, il y a une tension. Les gens sont vraiment pas tranquilles. Et puis, vous filez tranquillement jusqu'à l'endroit des funérailles. Vous arrivez sur place, vous notez que vous voyez un cercueil couvert de dentelles et de rubans de rubans et de velours. Vous avez l'impression que ça fait un petit peu, ça vous évoque un peu une pâtisserie au chocolat noir, la façon dont le cercueil est foutu. Avec, vous notez que durant la cérémonie, le cercueil émet des craquements étranges à des moments inappropriés, comme si le mort essayait de sortir de son cercueil, comme s'il grattait dedans. Vous notez que Maria est affligée, elle pleure toutes les larmes de son corps. Giorgio n'est pas à ses côtés, il ne peut pas le faire. Vous voyez que il y a sa bonne qui est à côté, qui a le bras posé sur son épaule, qui essaie de la consoler. Vous voyez également Rossini qui est un peu plus loin en retrait, mais vous notez qu'il la regarde avec insistance. Giorgio, lui, a les yeux rouges à force de les frotter. Vous sentez qu'il essaye de retenir ses larmes et que à force de le faire, ça lui donne les yeux rouges. Tandis que Rossini, t'as pas de main dans son dos, j'essaie de le consoler. Enfin, tu vois, je lui dis des mots en italien. Je lui parle doucement, à l'oreille, tout ça. J'essaie de merci, merci. D'être la première. Alors que dans l'autre côté, Rossini, lui, c'est plus des regards mauvais de part et d'autre du cercueil. Maria vous remarque même pas, en fait. Elle est dans sa tristesse, dans son chagrin. Par contre... Au moins, vous remarquez qu'il n'y a aucune chemise noire de présence. À part Rossini. Et ouais, voilà, mais il est venu seul. Il n'est pas venu accompagné de... Ensuite, le cercueil est placé sur une gondole funéraire qui l'emmène sur l'île cimetière de San Michel, où il sera enterré. Pendant ce temps-là, vous notez encore une fois que la lagune dégage une odeur encore plus fétide que le canal. Et limite, vous êtes à deux doigts par moment de vraiment vouloir vomir, tellement c'est puissant. Même ceux qui ont mis du parfum sur leur mouchoir. L'humation est suivie d'une réception et d'un repas à la demeure Stagliani dans le quartier de San Marco. Et donc, du coup, vous êtes invité à venir. Moi, tu vois, quand la gondole part avec le corps, je me suis placé à côté de Rossini, tu vois, et je lâche quelques mots en italien, comme... l'âme ne respire qu'à notre mort, tu vois, je dis quelque chose comme ça, pour voir déjà ce qu'il va me répondre, pour tâter un peu ce qu'il dit. Apollinaire. Totalement. C'est Charles Deleuze hein, qui dit ça. D'ailleurs. Il te regarde, pour lui, tu sens dans son regard qu'il n'en a rien à secouer de ce que tu racontes. mais il ne fait pas, de réponse désobligeante, tu vois. Il sait qu'il y a des gens autour, qu'il ne peut pas t'envoyer chier. Et dans, il te regarde et il fait un geste genre oui de la tête, mais tu vois bien qu'il n'en a rien à foutre, quoi, de ce que tu dis. Mmh. Vous vous êtes donc dirigé vers la demeure des Stagliani. Vous voyez que c'est une grande maison hein, quand même, franchement. Au rez-de-chaussée, vous avez une grande pièce où sont disposés en gros de quoi se substanter, des petits fours, des machins, tout ça, enfin de quoi manger. Les gens discutent du défunt, ceux qui l'ont connu, qui racontent un peu des souvenirs d'eux. Vous voyez que certains se sont approchés de Maria pour lui parler. Vous voyez que voilà, l'intérieur, au niveau déco, c'est très Giovanni Stagliani, quoi. Genre, vous voyez des trucs sur la philosophie, sur l'histoire religieuse. Il y a une bibliothèque où il y a beaucoup de bouquins qui parlent de ça. Enfin, c'est très lui, quoi. Il y a des bustes, des médailles, des fragments d'histoire... c'est très... À un moment donné, vous voyez Maria qui vient vous voir et qui... Merci beaucoup d'être venu. Je suis désolé, j'ai un peu de mal à garder mon chagrin, mais je suis très heureuse que vous ayez pu venir. Merci beaucoup. Écoutez, Maria, c'est un jour important pour vous et je pense que il faut savoir aussi que le chagrin, il faut le disperser à certains moments et ce moment-là est quand même très important. J'espère que vous en remettrez, surtout avec Giorgio, qui vous apporte du bonheur à la suite de ces événements. Là, j'ai un peu mal à la gorge. C'est vrai que Giorgio avait l'air très touché par la mort de votre père. Je le sais, même si mon père n'était pas vraiment d'accord pour que nous soyons ensemble, il a toujours témoigné du respect pour lui. C'est normal. C'est... Un père veut protéger sa fille et préférerait que sa fille tombe éperdument amoureuse d'un homme d'affaires que d'un artiste. Ou d'un communiste. Ou d'un communiste. Aussi, je ne suis pas naïf. Du coup, bah, est-ce que là, clairement, vous savez, vous pouvez, j'ai, moi, vous j'ai savez que j'ai pas envie de lui poser des questions parce que là, enfin, c'est un moment dur pour elle. Mm. Je sais pas s'il y a sa bonne, sa nourrice qui est là. Oui, elle doit être en train de ouais, ranger bah, les trois trucs. Pendant que je laisse Peter lui parler plus de façon plus approfondie, je vais voir la nourrice. Et je lui demande qui est-ce qui a été invité, si par exemple la famille Rezoniani est venue, si la famille Grimanci aussi. Je pose des questions là-dessus. Oh, elle te dit qu'il n'y a pas de Grimanci qui sont là. Rezonani pour en gros il y a plus personne en fait de la famille Rezonani. La famille n'a plus de personnes vivantes. il ne reste que de la famille Rezonani, ne reste que le palazzo. Mais sinon voilà, et après elle te donne d'autres personnes. Des D'accord. amis de la famille. Et l'occupant actuel. Ouais, mais elle ne doit pas savoir. Je lui demande au cas où. Hein. Vous savez qui habite maintenant dans le palazzo? Oh, c'est aujourd'hui plus un lieu de visite qu'autre chose. Allez voir peut-être le gardien du palazzo qui oui, peut-être vous laissera rentrer. Je ne sais pas, mais c'est plus. Un endroit pour les touristes aujourd'hui qu'autre chose. D'accord. Oui. Ok, très bien. Merci. Et je retourne avec Albert et Catherine. Bah, vous voyez que le moment, enfin, la matinée se passe. Les gens commencent à Les gens commencent à partir. Hein, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous désirez rester en Corse là-bas ou vous décidez que c'est le moment d'y aller? Je pense, si je me trompe pas, qu'on peut y aller. Alors, c'était très bizarre, il y avait des trucs très étranges, mais je crois qu'il y a plein de trucs étranges partout. Du coup, je crois qu'on va focus là où on a des avancées. Et si jamais ça nous ramène ici, on fera attention parce que c'était quand même très particulier hein, comme moment. Ah oui. Bah du coup vous commencez, j'imagine, à partir. Au moment où vous partez, vous avez encore Maria qui vient vous remercier rapidement, dire que voilà, ça lui a fait très plaisir de vous avoir au funérailles et au moment où vous quittez le bâtiment, il y a Giorgio qui s'approche de vous et qui vous dit excusez-moi, est-ce que nous pouvons partager la même gondole pour rentrer, c'est possible? Bien évidemment, bien sûr. D'accord. Ça ne vous dérange pas, Peter? Non, bien sûr que non. J'adore partager mes gondoles. Peter, il va le tuer au milieu de l'eau. Il va le pousser dans l'eau. Alors, du coup, il vous remercie. Grazie. Et vous commencez, du coup, à avancer tranquillement sur le canal. À un moment donné, vous remarquez que Giorgio est un peu surpris, un peu. Enfin, il a une attitude un petit peu de surprise. Et toi, Emilio, tu entends Giorgio parler au gondolier et dire mais vous n'êtes pas en train de prendre le bon chemin là. C'est le chemin des écoliers. Gros, il prenait pas la bonne route, hein. Gros, clairement. Et du coup, le gondolier s'excuse. Tu vas me faire un test de. Enfin, vous allez tous me faire un test de psychologie. D'accord. Moi, j'ai la main sur mon arme parce que je le sens pas. Vous notez, en fait, même si vous comprenez pas forcément, parce que là, c'est, ça arrive en même temps. Qu'est-ce qui passe? Non, je relance. Je relance. Bah, si tu relances, tu fais un échec critique, hein, mais bon. Ouais, non, mais là, c'est non, pire. Non, c'est pas forcément un échec critique que je fais, si je relance. Non, mais si tu relances et que tu loupes, c'est pire que ce que tu as fait, là. Je tiens à te... Bah oui, en gros, c'est relancer, c'est, il faut qu'il soit réussi, ton jet. D'accord. Parce que s'il réussit pas, ça aggrave celui que t'avais fait juste avant. D'accord. Donc aggraver un 99, c'est plutôt compliqué. J'ai commencé à l'engueuler parce qu'il m'a insulté, quoi. Vas-y, une chance sur trois. Donc du coup, ouais, quand je vous dis que le test de psychologie, c'est que les trois autres, vous ne parlez pas italien, mais vous sentez qu'il y a un malaise et que le gondolier, même si vous parlez pas italien, il voyait que il s'excuse. Ben voilà. D'où le test de psychologie pour vous aussi. Donc Peter, tu as... c'est un échec, c'est ça? Ouais, c'est raté. Hein. Et pour vous deux, du coup, Albert... j'ai raté aussi. 77, j'ai fait. Et toi, Catherine? Eh ben, moi, je sauve tout le monde parce que j'ai fait 86, donc aussi un échec. Non, mais par exemple, j'ai juste une question... Si je relance, est-ce que je peux utiliser des points de chance sur le deuxième jet? Je ne suis pas sûr. Non, je pense pas. Non. Alors, est-ce que je fais le beau jeu? Bah, une chance sur trois, moi je dirais tente. Il n'y a pas de souci, je te regarde. De toute façon, c'est pas moi qui va le jouer. tu vas tomber dans l'eau, tu vas avoir des plaques et mourir. Hein. Non, attends, c'est un jet de psychologie. Bah là, c'est un jet de psychologie. Hein, donc, Je peux pas tomber oui, à mais cause de si, jet de psychologie. Si tu aggraves... L'échec critique, je vois que ça. Allez. Bon. Dommage. Alors. Sois tente. Catherine, Albert et Peter, vous n'avez pas trop compris ce qui se passait, mais bon, c'est... A priori, la situation est réglée. Le gars, c'est... De ce que vous avez compris, excusez. C'est tout. Voilà. Toi, Emilio. Oui. Réputation, tu vois, à cause du critique. Est-ce que, vu que j'ai grandi dans le milieu un peu voyou et tout ça, moi, ça m'inspire plus quelqu'un qui essaie de nous emmener à un autre endroit pour essayer de nous détrousser, tout ça, ce genre de choses. Ça pourrait être ça, le truc que je ressens. Pour moi, ce qui se passe, Emilio, c'est que, à la surprise générale, tu sors ton arme et tu braques directement le gondolier. Non, mais c'était ça que je voulais faire. Tout le monde, se met un peu en pause de défense. Personne ne comprend. Giorgio lui-même ne comprend pas du tout. Vous voyez le gondolier qui est complètement paniqué. Mais okay. Emilio, que fais-tu? Emilio, tu veux nous baiser, c'est ça? Tu sais, je parle avec un argot vraiment, tu vois, italien, ouais. Très violent. Je dis, qu'est-ce que tu veux nous faire les poches? Tu veux nous détrousser, c'est ça? Mais, bien sûr, avec les insultes, avec j'ai pas les dire. Je m'interpose. Emilio, c'est pas comme ça qu'on tire. C'est... Non, mais moi, je continue à l'user, tu vois. Je me suis levé, tu sais, dans la gondole, là, et je fais... Maintenant, tu vas nous dire où tu veux nous emmener, là, petit merde. Moi, on me l'a fait pas. Il est en panique, genre... Je vous jure, on m'a payé pour faire ça, je voulais pas, on m'a forcé, je devais vous emmener dans un endroit où vous devez vous attendre des chemises noires, je vous jure, je suis... Qui ça, nous? Oui, vous, c'est un négra. Je baisse l'arme de Emilio, Et tu vois, je regarde. Moi je lance un regard. Attends, moi je lance un regard noir à Peter hein, quand il essaie de toucher à mon arme. Non, mais tu vois, mais je te touche pas. Hein. Je fais bien attention. Je te dis de baisser ton arme. Pas besoin de le menacer. C'est bon. Ce gars-là veut nous faire buter là. Et c'est... Il est en train de nous parler, moi, Emilio. On m'a payé. Bon. C'est Rossini qui m'a payé. Il veut buter qui, Rossini? Il veut buter mais non, Rossini. On m'a dit qu'il voulait vous passer à tabac pour vous faire peur, pour que vous partiez d'ici. Moi, je suis pour rien, je vous jure. Ne tuez pas, s'il vous plaît. Je vais pas envie de te mentir, Giorgio, mais tu sais que nous sommes pas des gens mauvais. Pourquoi tu as accepté, sachant que nous allons clairement nous faire tabasser? C'est... Non, c'est pas Giorgio. C'est pas Giorgio, là. C'est pas Giorgio, c'est le gondolier. Gondolier. Et puis il y a Giorgio qui fait... Giorgio, il nous a sauvé la vie. Oui. Giorgio, il est dans le même bateau que nous. Non, mais Giorgio, il fait... Littéralement. Je savais, cet enfoiré. Ah, c'est bien les chemises noires, ça. Ok, bon, bah... Non, tu peux garder la... Giorgio, vous allez retourner auprès de votre douce. Ça sera le plus simple pour nous tous. Il n'osera pas envoyer les chemises noires là-bas. Et elle pourra vous protéger et vous pourrez la protéger. C'est le plus sage à faire. Quel enfoiré de Rossini. Vous savez qu'il était capable de faire ce genre de choses. Maintenant, méfiez-vous de lui. Parce que s'il a décidé de faire ça pour vous, vous pouvez être sûr qu'il pourrait vous attendre n'importe où. T'es sûr qu'on n'aurait pas dû venir à cet enterrement? Alors, croyez-moi. Si j'avais un tempérament bagarreur, je dirais allons-y, mais. Croyez-moi, que vous soyez venu ou pas à cet enterrement, ça n'aurait rien changé. Il a très mal vécu non. Vous lui avez fait. Il a été. Je suis sûr, il s'est senti déshonoré. Putain, c'est de la pire espèce, on peut pas lutter contre les chemises noires. Mais on sait qu'on est ennemi, on sait qu'il faut être sur nos gardes et on saura réagir, je pense, pour la suite, sachant que on n'a pas trop prévu de s'éterniser non plus, quoi. On doit... Non. Agir vite. Très bien. Je passe une livre au gondolier pour lui dire, bon, maintenant, tu vas nous conduire où on veut et tu vas conduire l'autre. Honnêtement, attends, là c'est. Tu crois que t'as besoin, après ce que tu viens de faire, de lui donner de l'argent pour qu'il te conduise où tu veux? Le gars, tu lui as braqué un flingue devant la tronche et tu lui dis. Ouais, mais tu vois. Emilio est génial. Non, mais le gars, il fait. Oh, merci. Je vous amène où vous voulez, il n'y a pas de problème. Oui, non, mais. Vous êtes non, c'était aussi pour acheter en partie son silence, tu vois. Qui disent qu'on a pris notre gondole, que voilà, enfin... Non, mais je vous dirais que je vous êtes pas monté avec moi, que j'ai pas réussi à vous faire monter dans ma gondole. Voilà. Bon, bah, merci, monsieur. Et là, tu vois qu'il a un sourire et qu'il a une goutte quand même de sueur qui coule, comme ça. Mm. Mais il a un sourire. C'était plutôt sympa avec lui. Ouais, bah, c'est peut-être pas, mais on est tous armés. Je suis le mauvais et le bon flic en même temps, c'est fou, hein. Il va nous attendre au tournant, ce Rossini, quand même. Voilà, donc là, en gros, il est 14h hein, quand vous arrivez là où vous devez arriver. Alors, je sais pas où vous voulez descendre. À votre hôtel, au palais, non. Au palazzo. Direct, on y va comme ça. Bah, ouais. Là, il sait pas où on veut aller. Enfin, il sait sûrement où on dort. Donc, vaut mieux aller directement au Palazzo pour enquêter et partir au plus vite ensuite. D'accord. À savoir que, effectivement, vous avez toujours cette odeur horrible hein, dans vos narines. C'était juste pour resituer. Hein, donc. Ça sent la mort. C'est ça. Vous allez au Palazzo et il faut que je me mette au bon endroit parce que c'est pas là où je dois le faire. Hop, hop, hop, hop, et poup. Alors, Non. Alors, voilà. Vous allez donc au palais de Rezzoniani. Le gondolier vous dépose parfaitement là où vous êtes, donc vous arrivez juste devant. Je vous propose remarquez que... Giorgio... Attends, je demande avant que Giorgio embarque, enfin pour repartir de son côté, s'il veut peut-être nous accompagner pour nous aider. Et parce que avoir un second interprète, ce serait cool. Et si c'est ostensiblement manier une arme. Oui, il te dit qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, je peux rester avec vous. Et une arme, bien sûr, j'en ai déjà eu dans les mains. D'accord. Mais je n'ai pas d'arme sur moi, si vous devez m'en donner une. Il n'y a personne qui avait récupéré l'arme Voilà. de... Parfait. Tiens, bah, je lui donne le revolver. Bonjour. Il te remercie et il le met dans en fait dans le sous la enfin au niveau du pantalon, tu vois, c'est dans la au niveau de la ceinture. Dans le holster, comme on dit Vous chez nous. arrivez là-bas et vous voyez que le soleil, alors même s'il est 14h, il y a un soleil assez pâlot. Et que une espèce de brouillard est dans le secteur, en gros, ce qui donne Ambiance tamisée, quoi. une ambiance un peu bizarre, un peu vraiment space, quoi. Enfin, lui, c'est en pleine journée, il fait en pleine journée, il est 14h, mais en même temps, le soleil est assez pâle et Ça sent la peste. ouais, voilà, ça sent la peste. Je rappelle l'histoire de la peste, c'était aussi le cas dans les trucs pendant les guerres napoléoniennes, et c'était à cause du membre. Apparemment, les gens étaient complètement fous, ils voulaient tuer ce soldat avec le membre. C'était pour rappeler cette histoire. C'est ça. Vous voyez que au niveau de du palace du palais il règne un silence plutôt inquiétant. Il n'y a vraiment personne. Et ça arrive pile poil au moment où la musique s'arrête. C'est magnifique. Hop. Étrange à 7 h de la journée. C'est ça. Ça pue grave, les touristes ne veulent pas y venir, enfin les touristes, les personnes en visite ne veulent pas venir, ne vont pas sortir de leur hôtel à cause de l'odeur. C'est possible. Peut-être que les gens ont peur de cette peste et que pour le coup, ils restent chez eux. Tant qu'il en soit, vous êtes devant cet bel exemple d'architecture de la Renaissance vénitienne du 15e siècle. Le palais Rezzoniani fait face au grand canal près de la place Saint-Marc. La façade en stuc orange brûlé présente une élégante galerie ducale, une série d'arches gothiques incurvées et pointues, surmontées par des cercles aux croix équilatérales. Le palais fait 3 étages et il est flanqué d'un campanile inhabituel tourné vers l'intérieur, de telle façon que seule la famille Rezzoniani pouvait voir son horloge. Les portes d'entrée sont monumentales. Elles sont en bronze et donne sur un quai de marbre le long du canal. Un lion en bas-relief tient l'énorme heurtoir dans sa mâchoire. Le palais est ouvert aux visiteurs durant tout l'été. Mais habituellement, en hiver, il faut prendre rendez-vous avec le gardien, c'est ce que vous dit Giorgio. Bon, bah, je vais frapper au heurtoir, hein. Écoute, pas le temps. Boum, boum, boum. Quand tu le fais, tu attends quelques instants et à un moment donné, tu entends le bruit d'une clé qui tourne dans la porte et la porte qui s'ouvre vraiment lourdement. Et tu vois un grand-père assez chétif. Alors, je vais vous mettre la photo. Il est où le grand-père Hein? C'est un bossu. Voilà. Je vous laisse hein, mettre tout ça. D'ailleurs, c'est vrai que depuis tout à l'heure, je réalise que. Voilà. J'ai jamais montré aux gens les trucs, mais voilà. Voici le grand-père. Donc, c'est. Nono fidèle, vous dit Giorgio. Parce qu'il est assez connu. Hein. C'est la personne qui gère le Palazzo aujourd'hui. Hop. Voilà, je remets ça. Donc, bon. Hop. En gros, vous voyez tout de suite que c'est clairement quelqu'un qui, même quand il était jeune, il faisait déjà vieux, quoi. Là, sa façon d'être, c'est, il est né vieux, tu vois. Je l'ai vu ce film. Vous voyez qu'il vous fait un signe de tête et il vous demande qu'est-ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes les visiteurs et nous sommes là pour visiter. À cette heure-là. Mais vous n'avez pas allé voir rendez-vous? Ah oui, et je vais montrer quelques dollars et lui tendre. Moi, c'est des lilles. Pour moi, c'est des lilles. Je ne comprends pas les dollars. Ok, bon. Si vous avez 20 lire, c'est bon. Sors-lui une livre, au pire, et puis voilà. Mais il a dit 20. J'en veux 20. Lire. Moi, non. Je parle de livre. Ah. Non, mais moi, lui, il veut des livres. Mais vous en avez, hein. Vous en avez. Hein, oui, payons-le qu'on aille visiter. Allez, je lui paye pour 4$ de livre. Je sais pas combien ça fait, mais je pense que c'est... Voilà, merci beaucoup. Bon, entrez. Bon, vous connaissez déjà le palazzo ou pas du tout? Pas du tout. Non, pas du tout. Bon. Nous sommes visiteurs, nous sommes là pour faire la visite. Sachez que la famille Rezzoniani n'existe plus. Ici, il n'y a plus d'habitants, plus d'occupants. Le dernier membre est mort en 1918. C'était un vieillard vivant en ermite. Hein, c'est pour ça que son unique héritier, son petit-fils, a été tué pendant la Grande Guerre. Le pauvre R a souffert l'enfer physiquement et spirituellement à cause de l'arthrite qui l'empêchait de sortir de chez lui. Mais il avait des visiteurs, cet ermite, ou il était vraiment non, enfermé? Non, personne ne venait. Et moi, j'étais toujours été le gardien de Palazzo, mais je n'ouvrais à personne. Aujourd'hui, il est mort, alors... Je profite de ça pour faire visiter, vous comprenez? Enfin, quoi qu'il en soit, il est mort seul dans son palais durant le terrible hiver de 1918. On ne l'a découvert que des mois plus tard. Enfin, voilà. Que voulez-vous savoir? Nous sommes intéressés par voir les automates de la famille Grimenchi qui avait construit pour le palais. Les automates? Oui, en 1857 apparemment. Mensonge. Des statues plus grandes que nature. Les seuls automates qu'il y a, ils sont dans le clocher. Mais je ne les ai jamais vus. Je n'y vais pas. Vous n'êtes jamais monté au clocher? Jamais. Pourquoi donc? Je ne suis pas personne de l'entretien. Ça ne fait pas partie de mes attributions. Moi, je ne fais qu'ouvrir la porte pour la visite, mais je ne vais jamais au clocher. Disons que grimper l'escalier du clocher me fait mal à la jambe. Vous nous permettez d'y aller? C'est lui qui a les clés. Écoutez, moyennant quelques lires, pourquoi pas, mais... Ok, on donne... Vous n'avez que 2 heures. Que 2 heures. Pourquoi? Parce que c'est 20 lires les 2 heures et normalement, je ne peux pas vous laisser plus de 2 heures dans le bâtiment. Après, je vous demanderai de partir. Tiens, prends tes lires. De toute façon, il ne viendra pas nous chercher là-haut. Hein. La police sera moins, tu vois, vraiment. Non, mais on va pas jouer. Je lui dis que est-ce qu'il a déjà entendu des bruits bizarres dans le bâtiment pendant qu'on est en marche vers le clocher, vers l'escalier du clocher. Juste d'un point de vue monétaire, je me demandais, la lire, c'est un peu comme le rouble, hein, la puissance de la lire. Ouais, la monnaie italienne, c'est pas ouf, quoi. Ouais, c'est ça. T'as des billets de 2000, 2050 000 lires, je crois, c'était ce genre de bail. Là, tu lui donnes des pincettes, mais bon, c'est pas grave. Mais moi, je lui parle justement s'il a pas entendu des choses bizarres dans le bâtiment ou qu'il aurait pas vu des choses étranges. Mis à part le clocher qui sonne à chaque heure, rien de spécial. Non. Mais je vous l'ai dit, je ne monte pas, donc je ne sais pas. Ok, montrez-nous le clocher. De toute façon, nous sommes là juste pour observer les ouvrages de la famille Grimanti. Bien, d'accord. Eh bien, vous arrivez dans le rez-de-chaussée. Est-ce que j'irai de chaussée, moi, tiens? Je prends l'ascenseur. Je prends les escalators. Plan... Non, je crois que j'ai pas les plans du truc, je crois. Non, je sais pas. C'est pas grave. Non, je sais pas. Tant pis. Donc vous êtes au rez-de-chaussée, vous ouvrez, enfin quand on ouvre la porte secondaire, vous arrivez devant des salles, les appartements des domestiques, les cuisines, les laveries et les gardes-manger. Vous voyez que les fenêtres sont couvertes de givre, le froid est mortant aujourd'hui, et que en fait, plus plus ça avance dans le temps et plus le brouillard est de plus en plus épais, vous remarquez que vous voyez quasiment plus rien dehors tellement le brouillard est très épais. Vous voyez que les pièces donnent directement l'une sur l'autre en enfilade. Et il n'y a pas de couloir à part le grand hall au plafond peint menant à l'entrée, et donc vous avez sur un imposant escalier de marbre, également des portes peintes et dorées qui s'ouvrent sur les murs de chaque côté. Donc vous voyez que les tapis ont été enlevés, et du coup, quand vous marchez, en fait, vos pas résonnent à l'intérieur. Ça fait comme une espèce de cathédrale, il n'y a pas de bruit, hein. Il n'y a vraiment rien du tout. Ça. Vous avez vraiment l'impression d'être retrouvé dans un truc où à chaque fois que tu poses ton pied, le son se réverbère partout. Sur le parquet, sur les dalles en marbre. Ouais. Voilà, donc vous voyez des draps en mousseline qui recouvrent les meubles et de très nombreuses statues occupant des niches dans les murs du palais. Votre souffle et dans l'air en fait est froid. Ça se condense, voilà. Et vous avez l'impression que il fait plus froid à l'intérieur du palais que dehors. C'est assez surprenant. Vous voyez le nono là qui vous dit bon, allons au premier étage. Vous prenez du coup l'escalier pour le pour l'étage suivant. Au premier étage, on dénombre des salles de réception et de grandes salles destinées à des réunions, des bals et des conseils. C'est vraiment immense, hein. Faut vous voir, c'est pas une petite tour, c'est un truc gigantesque. Il y a d'immenses cheminées taillées dans le marbre, qui sont dans les murs. Elles sont froides, il y a pas de, elles sont pas allumées, donc c'est ça, ça donne quelque chose de. Vous avez l'impression que vous êtes dans un palais gelé, hein, quasiment. Vous avez vu que, vous voyez que les habitants des tapisseries et des peintures sont noircis par le temps. Et vous avez l'impression qu'ils vous regardent tous. Que quand vous avancez, surtout toi encore, Peter, t'as l'impression que ces gens qui sont peints sur ces tapisseries vous suivent du regard. Moi, j'ai mon arme au poing. Ah, au poing carrément. Donc, tu es devant Nono, et enfin, Nono est à côté de toi et il te voit. Je croyais que Nono, non, je croyais que Nono était parti. Nono, en fait, il monte. Il peut monter au premier étage, mais il peut pas monter au clocher. Ok, voilà, d'accord. Garde mais, ton oui, calme. Je sortirai l'arme au quand tu vas dans ta poche. Je n'arrive pas à dire, mais. Elle est dans. En fait, il est dans la poche là, tu sais, au niveau du de ma veste, de mon manteau là, parce que j'ai encore le manteau, donc c'est le gros manteau, tu vois, c'est un gros cardigan. Enfin bref, elle est là, mon arme. Mais dès qu'il sera parti, je la sortirai, et je la prendrai au poing. Bon. Donc vous passez les pieds. Ouais. Allons à ce clocher là, parce que ça commence à m'effrayer là. Donc les pièces s'ouvrent sur d'autres salles, toutes magnifiques et hautes de plafond, d'escalier de marbre de chaque palier. Maintenant se ouvre devant vous le deuxième étage. Normalement, Nono vous dit, vous n'êtes pas censé venir ici. Ce n'est pas d'accès aux visiteurs. Les visiteurs ne peuvent voir que le rez-de-chaussée et le premier étage. Mais bon, vous lui avez donné une belle somme d'argent, et donc il consent à vous faire venir au deuxième étage. Vous arrivez donc dans les appartements privés de la famille, qui font face au clocher. La porte est donc fermée à clé, et il vous ouvre. Quand vous franchissez celle-ci, eh bien, vous arrivez dans une belle pièce. Le meuble le plus remarquable est superbe. Vous voyez que c'est un fauteuil ancien placé devant une fenêtre. Celle-ci, elle était laissée ouverte par la personne qui était venue avant. Du coup, à cause de ça, eh bien, les rideaux, les meubles précieux et la salle sont gelés. Vous êtes frigorifié en arrivant là-dedans. Ils sont même abîmés. Vous remarquez d'ailleurs que le fauteuil porte des marques horribles et sent encore la mort qui a reposé là. Vous comprenez que c'est ici que nous avons que le Marco Reggiani a été trouvé. Il est mort sur ce fauteuil. Vous voyez encore les coussins de l'assise du dossier qui sont creusés comme si le corps était imprimé à l'intérieur de celui-ci. Maintenant, c'est lugubre. Nono vous dit, je n'irai pas plus loin. Vous allez passer ce seuil et ce sera le clocher. Vous n'aurez que 2 heures, ou même 1h30, parce qu'on a passé du temps. 1h45, allez, parce que je suis généreux. Il vous ouvre la porte. Non, entre nous, c'est bon. Il vous ouvre la porte, la referme derrière vous, et on s'arrêtera là pour ce soir. Générique. Ah là là.